Moi, je vais en Bretagne, je vais voir la famille et tout. Ah, encore, chez les Bretons. Ne bois pas trop, s'il te plaît. Hein. Mais non, mais jamais. Bah, de toute façon, Bretagne, c'est tout le temps avec modération, bien sûr, tu le connais, c'est ça, les Bretons. Oui. Rendez-vous, en tout cas, lundi soir, hein, dès 20h, pour Love in Fun. On va revenir pour une nouvelle semaine avec vous. Passez tous un bon week-end. On s'arrête là pour ce soir. Mais ça continue, la Libre Antenne, oui, avec Mickaël et Nos Limites, jusqu'à 2h du mat. J'ai quand même bien rigolé. Hein. Enfin, j'ai failli bien rigoler quand t'as dit non, nous, on arrive à s'arrêter. Boire avec modération. Mais tu parlais des Bretons, bien évidemment. Rien à voir avec Karima et Lilou, quoi. Quoi? Non, mais c'est vrai. Mickaël, fais gaffe. N'oublie pas que t'as un défi lundi. T'inquiète, lundi, je serai avec les Moritos dès 20h. Lundi soir, on attend ça avec impatience. Je serai barman. C'est la radio qui picole le plus, Fun Radio. Faut le savoir, hein, quand même. Hein. Oui, surtout moi, une émission. Non, surtout une émission. Dans le doc, il est à mort sur le café. Là, je l'ai vu passer 100 fois devant le. Ça, c'est exact. Je reconnais. Il a besoin de repos, le doc. Bon, allez, bonne soirée, tout le monde. Et puis, bon week-end aussi. Rencard lundi pour vous. Ça roule. Salut. Salut, à lundi. Allez, on est parti jusqu'à 2h du mat sur Fun. Bonne soirée. Ciao. 23h, 2h. Mickaël. Ferme ta gueule, les connards. Nos Limites. Sur Fun Radio. Mais oui, on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez, c'est la dernière de la semaine là, mais ne vous inquiétez pas, on sera de retour dimanche dès 20h sur Fun Radio. Et puis quoi qu'il arrive, ce soir, on va vous faire une émission de folie, bien évidemment. En tout cas, on va tout faire pour, comme chaque soir, pour ceux qui nous découvrent. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux au vu du Twitter, de l'Instagram et du Facebook, hein, de plus en plus nombreux à débarquer sur les réseaux. Et ben moi, c'est Mickaël, je suis là pour vous servir. Évidemment, vous pouvez également appeler tout de suite le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. Prenez le contrôle de Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Vous appelez pour parler de ce que vous voulez, de ce que vous avez fait aujourd'hui par exemple. Si vous arrivez une galère aujourd'hui, si au contraire vous avez passé une bonne journée, bah dites-nous un peu ce qui s'est passé dans vos vies. Voilà, c'est Sandro qui décroche, hein, et qui vous passe à l'antenne pour parler de ce que vous voulez. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Et puis aussi mes hommes de main, oui, parce que je suis un petit peu. Comment dire, le parrain de cette émission. Mais oui, ça m'en va très bien. Ah, c'est bien comme ça, hein. Je crois qu'on va changer la musique de l'émission et mettre ça à la place. Ça me va très très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu trouves pas? Oui, c'est un peu oppressant, mais sinon c'est pas mal. Ça plante le décor. Voilà. Là, on a encore plus, on a encore mieux planté le décor, là, effectivement. Bon, t'as fait également le moche gosse de l'émission, quoi. C'est le MG. Oui. Il y a le BG, puis après il y a le MG. Bah voilà, c'est Toff, il est avec nous justement. Et puis il y a Polo également, l'artiste hein, de cette émission également, le poète, le musicien et le virtuose du pipeau. Voilà, en toute simplicité, je pense que tout est dit à ce niveau-là. Ce soir, on va également appeler un grand marabout, le professeur Sekou. Et si vous n'étiez pas là hier, on avait appelé Monsieur Ba là, pour essayer de souhaiter l'anniversaire de Michael Jackson. Mais on n'avait pas tout compris, hein. C'était ça. C'est là où il est très très content là, monsieur. Bon, voilà, je sais pas si vous avez compris quelque chose, mais en tout cas hier soir. Alors c'est vrai qu'on l'a appelé tard. Je me suis dit peut-être que c'est ça, on n'avait pas compris, il était tard. Mais là, il est 23h, il est tôt et on ne comprend toujours rien. Donc voilà, bizarre. Et comme vous aviez aimé le professeur Sekou la dernière fois, on l'avait appelé parce qu'on avait perdu le chat de Sandro et de moi. Donc on va le rappeler dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Donc restez bien là. Alors faut aussi que je vous mette une vidéo. Ah oui, une vidéo d'un couple qui veut essayer de trouver quelqu'un pour un plan à 3. Avant minuit, je vais envoyer Toff et Sandro pour voir s'ils arrivent à trouver quelqu'un. Donc ils vont appeler ensemble, hein, genre c'est le couple. Couple d'année. Oh, vous feriez un beau couple. Mais nous sommes le couple. Oh là là, vous feriez un tellement beau couple. Mais je trouve qu'on est magnifique. Oh là là, ce serait beau. On est beau. Non. On a mûri. Ah, puis, allez, je vais vous mettre une photo du t-shirt dégueulasse de Toff aussi. Attends, parce que il déchire, comment vous expliquer que en termes de t-shirt merde, il est quand même pas mal. Hein. Il est dégueulasse comme ça, avec gueule. D'ailleurs, en plus, c'est bien, il a sorti au générique de l'émission à la fin, pour ceux qui n'étaient pas là à 2h. Donc, on le mettra tout à l'heure, évidemment, le générique. Je vous mettrai la photo aussi. Et puis, il y a une photo qu'on a faite comme chaque soir avant l'émission où on est tous ensemble, et donc j'ai fait exprès de mettre Toff dehors de la photo ce soir là avec son t-shirt là, et c'était pas terrible justement. Donc on va faire ça dans un instant, je vous mets la vidéo dans quelques minutes comme promis. On parlera aussi d'un gamin qui a 5 ans là, qui connaît toutes les capitales du monde. Alors si vous voulez tester vos connaissances, non mais c'est ouf. Ah grave hein. Tu sais, on est dans quelle. C'est quoi la capitale de la France? Ah, pas du tout. Hein. Ah, la capitale de l'Espagne. Madrid, ouais. Oh, pas mal. J'ai eu un Ah, pas mal, pas mal. Non, j'ai eu un gros coup de stress. Ah ouais, ouais, non, c'est surtout la coup d'hésitation, quoi. Bon, si vous voulez jouer avec nous, là, si vous pensez connaître aussi toutes les capitales du monde, on va vous filer des cadeaux aussi. 01 42 48 5000, appelez Sandro au standard. Et pour la Belgique, 02 851 4 x 0. On va faire un petit jeu tout à l'heure. Et puis, le meilleur d'entre vous repartira donc avec des cadeaux. On jouera vers 1h du mat. Donc, soyez bien là. Et en attendant, direction le standard. Et nous avons avec nous Yanis. Bonsoir Yanis, t'appelles pourquoi? Yo. Bonsoir. Allô? Salut Yanis. Salut. Comment vas-tu? Ça va, je voulais savoir comment faire un orgasme ici. Ah, tout un programme, t'inquiète mais pas. Je vais t'expliquer. Mais oui, évidemment, Tof qui n'a jamais réussi à faire jouer une fille va t'expliquer tout ça en détail. C'est ça, hein? Non, ouais. Si, non, j'ai déjà réussi. J'ai jamais réussi à faire jouer une fille. Ouais, bah, on va essayer de t'expliquer. Ah, mais Yanis, à 19 ans, t'as commencé la première fois à quel âge? Je suis plus tôt. Ah mais c'est pour ça, ah, d'accord. Ouais, bon bah Yanis, bouge pas. On va parler avec toi tout à l'heure, il y a pas de problème. On a aussi Lola qui est avec nous maintenant, 20 ans de Limoges. Bonsoir Lola, t'appelles pourquoi? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive Lola? Alors en fait moi je suis avec mon copain depuis un petit moment et on a de moins en moins de relations sexuelles. Ah d'accord, ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça va faire 2 ans et demi. Ah bah faut changer hein, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà Lola. Hop, ça... le conseil est donné. Et ça fait combien de temps que t'as pas couché avec? 15 jours, 3 semaines. Ah oui, quel gâchis quand même. Bon bah écoute Lola, on va parler avec toi dans un instant, là reste avec nous surtout. On a aussi Fabien qui est avec nous là de Lyon là. Salut Lyonnais, t'appelles pourquoi? Ouais, ouais, j'ai un soupçon parce qu'en fait je crois que j'ai chopé mon meilleur ami avec ma mère. D'accord, bon écoute, on va en parler dans quelques instants, tu bouges pas alors le Lyonnais, d'accord? C'est dégueulasse. Ah bah tu bouges pas, non, je te le confirme. Bon et puis on a aussi du son ce soir évidemment, et comme chaque soir, je vous calerai comme promis tout à l'heure. Le son de Major Lazer. Eh ouais. Voilà, j'ai Major Lazer qui est prévu ce soir. Je vous calerai aussi le nouveau son de Shotei. Vous avez été nombreux à le demander là, le Bouya. Son préféré de Polo. Hein. Ah non, mais c'est à dire que j'ai été le chercher tout à l'heure là, il était comme un ouf là, avec l'iPhone, le casque, le Beats, il était au taquet, Beats rose d'ailleurs, faut le préciser. Ah il était au taquet. C'est pour aller avec son pipeau hein. Non mais clairement. Voilà, je showtech tout à l'heure avec Bouya et puis je vous calerai aussi le son de Stromae, tiens. Voilà, et puis ce soir je vous offre aussi votre iPod, l'iPod Nano que vous pouvez gagner ce soir sur le Facebook de l'émission pour tenter de le choper. Eh ben rencard maintenant facebook.com/mikaelofficiel pour tenter de gagner votre iPod Nano. Vous pouvez choisir le rose aussi si vous voulez, hein, je pense qu'on l'a de stock. Non mais c'est vrai, c'est là qu'ils veulent. Et puis putain j'avais oublié de vous dire aussi, on a reçu les nouveaux autocollants là qui sont arrivés là, les nouveaux stickers. Ah ouais, ils déchirent. Ouais. Si vous voulez aller voir à quoi ils ressemblent, on vous les enverra. Alors il y en a un qui me dit qui m'a dit ouais mais comment on fait pour les abonnés? Bah vous appelez au standard, vous les demandez et puis Sandro prendra vos coordonnées avec plaisir, là que ça à faire. Ah ouais, pour les stickers. Bah ouais. Bah oui. Un mail. Mais ouais, évidemment, un faire mail. Ça. Donc un 01 42 non, 48 mail, 5000 mail. Et 02 851 Mickaël 4 x 0. Et j'ai un truc, on dirait une espèce de mouche comme ça qui me parle dans l'oreille. Non, mais ça bloque les lignes. Et tout ça pour dire que j'ai comme une mouche comme ça qui me. Ça fait mickaël@funradio.fr. Je comprends pas. N'hésitez pas à l'appeler, elle adore ça. Ouais, je comprends pas. Et donc, du coup, quelqu'un qui me disait ouais, mais les autocollants, il faut les acheter. Bah non, attends, on n'est pas des enculés, nous. Nous, on refile, on vous offre les trucs là. Non, on n'est pas des connards, nous, t'inquiète pas. On les vole au boss. Voilà. Qu'il veut pas nous les donner. Exactement. Et puis on vous les offre. Voilà. Donc les nouveaux stickers, là, vous pouvez les voir. Ils sont disponibles donc sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Vous allez voir ça. Vous nous dites ce que vous en pensez si vous les voulez également. Donc, n'hésitez pas. Facebook.com/mikaelofficiel. Voilà pour les cadeaux de ce soir. On jouera évidemment à la colle tout à l'heure dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Et nous allons accueillir maintenant Valentin avec nous. Bonsoir Valentin. Allô, bonsoir. Bonsoir Valentin. Alors, t'as 16 ans. Toi, t'appelles, du 51, c'est ça? Ah oui, j'appelle de Cézanne. Très bien, de Cézanne, parfait. Et alors avant que tu nous expliques pourquoi tu es là, est-ce que tu as déjà fait un like sur la page Facebook de l'émission? Comment? Est-ce que tu as déjà fait un like sur la page Facebook de l'émission? Oui. Ah très bien. Non parce que j'ai vu, j'en avais parlé hier, c'est vrai. Hein. Y a un bar en Californie là qui demande de liker la page du bar pour pouvoir y rentrer. Donc je vais faire pareil. Alors, ceux qui veulent passer ce soir, évidemment, il faudra liker la page. Alors évidemment c'est con parce que si jamais vous gagnez un cadeau ce soir, que vous passez l'antenne et que vous n'avez pas liké la page, C'est perdu. C'est dommage. Voilà, ce serait con évidemment. Évidemment, nous allons vérifier, ça tombe sous le sens. Bon, Valentin, de quoi on va parler avec toi dans un instant? Alors bah voilà, j'avais déjà appelé parce que j'avais répondu à votre question. Quand vous couchez avec votre copine, à quoi pensez-vous? Ouais. Ils avaient répondu que je pensais à sa sœur parce qu'elle était plus bonne qu'elle. Ouais, je me souviens. Ouais. Et alors? Ma copine, elle m'a entendu à la radio. Eh, bon, ça bien fait pour toi en même temps. Hein. Ça, t'as foutu, t'as fait le malin. Là. Oui, je me souviens, on avait posé la question effectivement à qui ou à quoi vous pensez quand vous faites l'amour à votre copain ou votre copine. Et je me souviens que t'avais débarqué en disant ouais, ben moi je fais le malin. Moi je pense à la sœur de ma copine parce qu'elle est plus bonne qu'elle. Ah ouais, mais ça, il y avait des chances que ta copine écoute. Hein. Ouais, c'était le risque. Ah bah c'était le risque. Et alors du coup aujourd'hui, ça se passe comment? Bah en fait, les deux jours d'après, je devais la revoir. Donc je l'ai retrouvée au McDo de Cézanne. Ouais. Et en fait, elle m'a dit qu'elle m'avait entendu, que je la dégoûtais, qu'elle voulait plus jamais me revoir et que c'était fini entre nous. Sans déconner. Bon écoute, attends, reste là, on va en parler dans un instant, Valentin, là, bouge pas de là, puis on va essayer d'appeler ta copine aussi pour essayer d'avoir un peu plus d'infos là, non? Ouais, on va essayer de voir rabibocher, c'est un peu faute. On va essayer d'arranger ça, on va t'inquiéter. Rabibocher. Ouais, rabibocher, c'est bon, rabibocher, ouais. Ah ouais, c'est pas mal. On va essayer d'arranger ça dans un instant, d'accord, Valentin, tu restes là? Bon, bouge pas de là, et puis on aura le son de Calvin Harris assis. Calvin Harris assis. Parce que vous avez remarqué un peu le bordel là. Non, c'est pas mal. Alors c'est Calvin Harris aussi. Ah, d'accord. Ben, on peut avoir Calvin Harris également qui est assis. Après, il fait comme il veut. I Need Your Love, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Allez, venez prendre le contrôle, on est là jusqu'à 2h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Soyez les bienvenus. Si vous venez de débarquer, on est là jusqu'à 2h du mat. On salue Lily aussi qui a envoyé son message sur le Twitter qui dit c'est les Robins des Bois des stickers. Bah, oui, bien sûr. Il y a Clara qui dit le mec qui se fait choper par sa copine à la radio. J'ai envie de dire bah bien fait pour ta gueule, exactement. Et puis Yaya qui dit Valentin, aïe aïe aïe. Il y a aussi Clara là, qui dit ce soir je me découvre une fascination pour la voix de Polo. Ah ouais, comme ça tout d'un coup là, c'est bizarre effectivement. Elle est excitée, la petite coquine. Mais ouais. En tout cas, soyez les bienvenus. Hein. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Facebook.com/Mickaël officiel. Venez également nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Il suffit de taper Mickaël officiel tout simplement et puis bah je vous follow. Voilà, c'est ça. Vous me faites un follow. Moi aussi je vous fais un follow comme ça on suit, on voit un peu ce qui se passe chacun l'un et l'autre dans votre journée. Faudrait que je vous parle de FIFA aussi. J'ai encore fait un match ce matin, enfin cet après-midi avec Fanfan là. J'ai mis une tasse là. Je vous expliquerai ça dans quelques instants parce que je joue maintenant avec vous hein, sur FIFA là. Si vous avez un iPhone, je vous explique comment ça se passe d'ici quelques instants sur Fun Radio. Dans un instant le retour également de Valentin. Valentin qui s'est fait dégager par sa copine. On va essayer de l'appeler en direct après Calvin Harris. I need your love sur Fun. I need your love, I need your time. C'est Fun Radio avec le son de Calvin Harris. À l'instant, c'était I need your love. Allez, venez prendre le contrôle de la radio. On est là jusqu'à 2h du matin. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Et j'aurais à vous. Quel est alors le son de Major Lazer là? Ça va arriver tout à l'heure. Major Lazer avec Watch Out Police. Il y a Steven aussi sur le Twitter là, qui dit salut l'équipe, là, comme je vous suis et que je vous écoute depuis longtemps, je pourrais avoir un autocollant, continuer comme ça. Pour les autocollants là-dessus, vous pouvez appeler Sandro si vous voulez. Hein. Alors vous lui faites un petit mail également, sandro@funradio.fr. Est-ce que je peux en avoir une vingtaine? Je vais les coller sur la gueule de Toc. Ouais, c'est mieux. En face ouais. De moi. Bah écoute, on va le faire. Et on va le faire dans un instant. Tiens. On lui mettra un coup de lance-flamme. Exactement, sa de lance-flamme. Ça sert à rien, alors. Voilà, si, t'inquiète pas, c'est pour faire fondre l'autocollant directement sur la tête pour que ça prenne. C'est ça, un petit peu le masque de Fantomas. Voilà, il y a Emily aussi qui dit dédié à ma pupute de sœur Adeline. Bah ça, elle va être contente, tiens. Louis aussi qui dit fan, c'est un pote, il m'a parlé du match, c'est vrai que tu lui as mis une tollée. Ah ouais, putain, alors merci de me le rappeler, j'avais oublié. Donc oui, alors effectivement, j'ai fait un match cet après-midi sur FIFA par iPhone, hein, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous tapez Mickaël nos limites. Donc j'ai fait un match avec Fanfan 262. Je crois un truc comme ça. On mangeait et il jouait. Voilà, exactement. Et donc, coup, je lui ai mis sa race 2-1. Voilà, il a mis un but, mais in extremis avant la dernière seconde. C'est de la chance. Voilà, mais c'est ça. Donc, voilà, qui veut tenter de me battre? Hier, j'ai joué contre l'ananas, j'ai aussi gagné. Donc, pour l'instant, je suis à 2 matchs, 2 victoires. Donc, qui sera le suivant? Polo, il joue pas? Non, Paul, je lui mets 10-0. Alors, bien jouer, je suis mauvais. Ah bah, d'accord. Ah bah, on va faire un match avec lui. Je vais t'éclater. Ah bah, alors là, j'attends avec impatience. On verra. On peut lui coller sa gueule. Là. Oui, on va le faire. On va lui coller sa gueule. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez jouer contre moi, la FIFA, ce week-end, j'aurai un peu de temps. Là, ce soir, évidemment, je suis à l'antenne. Donc, c'est pas la peine d'essayer de demander. Mais de ce week-end, il n'y a pas de problème. Vous tapez Mickaël nos limites sur FIFA 13. Là, si vous avez un iPhone ou un iPad. Peut-être aussi Galaxy, mais je suis pas sûr que ce soit. Que ça marche, mais je pense, mais à essayer. Clara qui dit, vais-je avoir mon piano ce soir, Mickaël, et le pipo? Ben, le pipo, il est là, hein, t'inquiète pas, Polo, 1, 3, 4. Ok, on y va. Voilà, le pipo de Polo qui est là d'ailleurs au taquet, quel grand talent. D'ailleurs, tout à l'heure, gros défi, puisqu'on a un nouveau showtech qu'on passera. Ah, je suis curieux de voir si tu vas arriver à le faire en pipeau celui-là. Ça va être dur là. Ouais. Non, je suis curieux de savoir si tu vas arriver à le faire en pipeau. Je vais le mettre là. Très bien. Bah écoute, on l'essaiera tout à l'heure. On va le récupérer essayer, tout à l'heure. Pas de problème, pas de problème. Bon, Valentin. Oui. Alors, toujours en galère évidemment. Tu nous avais appelé parce que tu avais participé à l'émission. On avait demandé à quoi vous pensiez quand vous faisiez l'amour, à quoi vous aviez déjà pensé à quelqu'un ou à quelque chose. Et donc toi, tu nous avais dit que tu pensais à la sœur de ta copine parce que tu la trouvais plus bonne. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, pas de bol, évidemment, ta copine a entendu, donc aujourd'hui, t'es un peu dans la merde, quoi. Voilà, et ça fait deux semaines qu'elle ne me parle plus, donc... C'est normal. Bah oui, mais en tu même temps... Tu l'avais mérité. Mais oui, mais tu t'attendais à quoi? Bah, je sais pas si elle avait écouté, alors... Bah, c'était le risque en même temps, hein. Bon, là, tu l'as pris, on verra bien, tant pis, hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler dans quelques instants. Elle t'a dit quoi concrètement, à part que t'es un con? Bah, qu'elle voulait plus qu'on se parle, qu'elle voulait plus me voir, et que, bah... Et qu'elle avait déjà un autre mec, hein, parce que toi, t'es vraiment un gars. C'est ça? Bah après, je sais pas, ça fait deux semaines que j'ai pas vu, qu'on s'est pas parlé, alors... Ah ouais, deux semaines sans nouvelles. Bon, bah écoute, je pense que ça va être dur. Hein. Ouais, là, ça va être compliqué, je pense, effectivement. Ouais, mais écoute, c'est pas perdu, hein, c'est pas perdu, on va essayer de l'appeler, tu sais, on arrive parfois à bien gérer ce genre de conneries, donc sur un malentendu, on sait jamais, on ça peut bien se passer. Ouais, en plus, on a le matos, on a tout ce qu'il faut pour essayer de gérer ça, hein, donc... C'est possible. Bon, écoute, on va l'appeler dans un instant. Reste avec nous, Valentin. On va se faire la colle maintenant avec Margot qui est avec nous là. Bonsoir, Margot. Salut. Comment ça va, Margot? Très bien, et vous? Eh ben, super bien, Margot. Sois la bienvenue sur Fun. T'appelles de Bourges, toi, c'est ça? Ouais, Saint-Amand, c'est juste à côté. Bon, bah parfait. Alors, Margot, nous allons maintenant jouer ensemble. Tu vas nous poser la colle de ce soir. Et si si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu perds, forcément. Et si personne ne la trouve, eh ben, tu gagnes. On t'écoute, Margot, vas-y. Alors, combien de fois peut-on soustraire 6 de 36? Combien de fois peut-on quoi? Soustraire 6 de 36. Oh, elle a une jolie voix. Non, oh, bah oui, Margot. Non, donc, combien de fois... Non, une voix de canard. Combien... Attends, t'as pas une voix de canard, je peux pas t'essayer de dire ça. Tu sais ce que c'est, un vrai canard? Hein? C'est ça. Bon, t'as pas une voix qui ressemble à ça? Ouais, non, c'est pas non plus. Non, bah voilà. Ah non, c'est pas un âne, c'est un canard. C'est un canard. Bon, alors Margot, donc vas-y, donc combien de fois peut-on soustraire 6 de 36? Si vous avez la bonne réponse, eh ben à vous de jouer, vous vous inscrivez maintenant, vous envoyez Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Voilà, tout simplement. Eh ben je te souhaite bonne chance, Margot. Si quelqu'un trouve, t'as perdu. Si personne ne trouve la bonne réponse, tu gagnes. Ok? Merci. Allez, combien de fois peut-on soustraire 6 de 36? Je vous souhaite évidemment bonne chance. Et souvenez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, on a eu la chance d'appeler notre ami Marabout. Enfin, on avait appelé à nouveau, hein. C'est un mec qui avait mis une petite annonce sur le vide de Toff là. Et du coup, ça avait donné ça, on n'avait rien compris. C'est là où il était très très content là, monsieur. Voilà, donc on avait rien compris, mais alors rien de rien. Et donc du coup, on avait appelé le professeur Sekou il y a quelques semaines là, parce qu'on avait perdu le chat Sandro. Il nous l'avait retrouvé miraculeusement. Donc et comme c'est l'anniversaire de Michael Jackson aujourd'hui, enfin depuis hier minuit quoi, ce matin minuit plutôt. Du coup, on essaie de lui souhaiter bon anniversaire. Donc ce que je propose, c'est qu'on rappelle le professeur Sekou. Ouais, parce qu'il est fort quand même. Bah, il était fort, exactement. Il a trouvé le chat en 30 secondes. Mais c'est ça. Bon, alors. Pas à l'aise. Bon, on appelle direction le professeur Sekou maintenant sur Fun Radio. C'est parti. Ouais. Oui, monsieur Sekou. Ouais. Oui, bonjour, je vous appelle, j'avais besoin de vous. Ouais. J'aimerais souhaiter l'anniversaire de quelqu'un et je voulais savoir si c'est possible de passer par vous. Oui, bien sûr. Oui. À qui? Tu voulais passer Il s'appelle Mickaël. Ouais. Vous êtes où? À Paris. Vous êtes à Paris? Voilà. Et mais lui, je sais pas où il est. Quoi? Et lui, je sais pas où il est. Ah, c'est vous qui m'avez téléphoné l'autre. C'est vous qui m'avez téléphoné l'autre fois pour votre chien, non? Ouais, mais là, c'est sérieux, hein? Non, c'est pas sérieux. Si, mais c'est sérieux, je vous dis. C'est vraiment sérieux. Je vais souhaiter l'anniversaire à Michael. Oui, bon, il faut souhaiter l'anniversaire de Michael, d'accord? Ouais, tu peux essayer de rentrer en contact avec lui ou pas? Non, je peux pas le faire. Pourquoi tu peux pas? Parce que l'autre fois, tu m'as... Mais c'était pas moi l'autre fois. Mais là, c'est sérieux. Vous allez me donner un numéro, ça c'est pas faux, ça c'est faux numéro. Mais hein? Non, quand vous avez appelé, on a répondu quand vous avez appelé. Oui, vous allez me répondre. Bon, ce qu'on avait dit, on n'a pas fait. Je vous ai dit, il faut envoyer de consultation, on n'a pas fait. Là, comme ça, non, vous pouvez pas rentrer. C'est son anniversaire, je veux lui souhaiter. Oui, c'est anniversaire. Donne ton numéro, tu m'envoies de 40 euros pour que je vais faire consulter. Oh non, pas payer quand faut même. Faut le faire maintenant. Non, je peux pas le faire. Ah si. Ah non, c'est pas gentil, je veux lui souhaiter son anniversaire, ah, si, c'est important. Non, il faut faire de l'anniversaire, ok. Mais non, mais c'est pour un homme défunt. C'est... Non, oh. Vous n'avez pas fait rien, hein. Vous n'avez pas fait rien. Non, mais dites donc, alors, mais vous voulez souhaiter bon anniversaire à un mort. Et vous faites payer, c'est pas bien. On veut souhaiter l'anniversaire de Michael. Oh, on n'a pas fait rien. Hein. Ah on si. N'a pas fait rien. Vous connaissez Michael Jackson ou pas? Je connais bien Michael Jackson, je connais même sa sœur, je connais toute la famille. Eh ben, on veut lui souhaiter son anniversaire, c'est aujourd'hui. Bon, il faut l'envoyer de l'anniversaire à Michael Jackson. Alors, je vais vous payer, monsieur, professeur, je vais vous payer, donnez-moi votre RIB. Quoi? Donnez-moi votre RIB, je vous fais un virement. Non, vous n'êtes pas sérieux. Pas pour l'anniversaire de Michael quand même, on va pas payer en plus pour lui souhaiter juste son anniversaire. Michael Jackson, il est à la terre. Tu l'envoies d'anniversaire à Michael Jackson. Ouais, tu peux rentrer en contact avec lui. Quoi? Tu peux rentrer en contact avec lui ou lui dire que... Il faut mettre 500 000 euros dedans. Dans 500 mon 000 euros pour lui souhaiter son anniversaire. Michael Jackson, c'est pas n'importe quoi. Mais il a dit qu'il est à la terre, c'est ça? Oui, il est à la terre. Attendez. Bah, je le trouve pas, hein. Tu peux rentrer en contact avec lui ou pas? C'est malin. Hein? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est hyper sérieux, mais il veut pas nous croire, le professeur Sekou, parce que la dernière fois, on l'a appelé pour un chien. Mais là, c'est vrai. Mais là, c'est vrai, on veut souhaiter l'anniversaire à Michael Jackson. Non, vous voulez souhaiter l'anniversaire? Oui, on veut lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Bah, lui, il peut rentrer en contact avec lui. Oui, bien sûr, ouais, il peut. Bah voilà, c'est ce qu'on veut. On veut qu'il lui souhaite un joyeux anniversaire. Mais c'est ce qu'il vous a demandé, il faut payer d'abord. Pour mais que on en a 500 000, c'est un peu cher quand même. Hein. Vous avez combien? On n'a pas grand-chose. Il avait demandé 40 euros. Ah non, on peut faire un virement. Euros. On peut faire un virement. Si vous nous donnez votre RIB, on fait le virement. Mais franchement, mais là, c'est un anniversaire. Vous pouvez nous le faire gratos quand même. Bon, il faut faire le virement maintenant, là. Mais pourquoi vous nous... Mais faites-nous ça gratos. C'est pour souhaiter un anniversaire. Ouais, mais l'anniversaire, c'est payant parce que là où lui, il est, c'est trop loin. Ah ben non, on a déjà acheté le cadeau. Ouais, mais déjà acheté un cadeau. Bah oui. Ben, on voulait lui parler avec, enfin, à travers vous, quoi. Oui, c'est ce que je dis, mais là où il est à l'heure, là, c'est trop loin, donc il faut faire quelque chose. Donc si vous faites le virement, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous ai mis une pièce. Voilà, donc ça vous amuse d'appeler de temps en temps? Mais non, mais on essaye de souhaiter bon anniversaire, vous nous aidez pas. Mais non, peut-être, on te demande de mettre 50 euros. Ah ben non, c'est 50 euros plus, 10 euros de plus, c'était 40 tout à l'heure. Bon, il faut faire 40, c'est bon? Ah, bon, allez, 30. Bon, 30. Allez, 25. Non, allez, 25, on n'en parle plus. Bon, 10. D'accord. Alors, donnez-moi votre RIB et je vous fais le virement de suite. Non, donne-moi le numéro de ton RIB, moi, je peux prendre ça. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez foutre avec, que vous allez faire avec ça? Non, je vais prendre les 10 et puis voilà, c'est bon. Bah oui, mais vous savez pas prendre de l'argent si je vous donne mon numéro de compte. Vous avez besoin du vôtre pour faire le virement. Non, donne-moi seulement ton numéro de compte, il n'y aura pas de problème. Bah oui, mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Non, vous savez pas... Mais non, mais vous pouvez pas prendre de l'argent si je vous donne mon RIB. Je prends juste 10 euros, vas-y, donne-moi. Bon, alors écoutez, attendez, je vous le donne. Oui. Alors attendez, il faut que je le prenne, hein, parce qu'il est dans les papiers, là. Ouais, il n'y a pas de problème. Attendez, deux petites secondes. Alors, vous êtes connoté? Oui. Alors, 40-618. Oui. Voilà, le guichet, c'est 80-261. Ouais. Et alors, le compte, 3 fois 0. Ouais. 403. Ouais. 28. Mmh. 67. Oui. 0. Oui. Voilà. Et la clé, 9-6. D'accord. Et c'est quelle banque? C'est Boursorama. Ça marche pas, là. Bon, vous foutez de moi, c'est le moyen. Non, ça marche pas. Ah si, ça marche. Non, je suis devant l'ordi et ça. Bon, ça enfin, c'est incroyable. Bon, écoutez, alors, donnez-moi le vôtre. Non. Ah si. Ah, attendez, je vous donne le mien, vous pouvez donner le vôtre. Ben non, moi, je ne donne pas le nôtre. Ben pourquoi? Ben parce que ce que tu dois faire. Ben, je vais vous faire le virement. Tu es avec ta femme, là. Comment? Là, c'est quelle fille qui parle à côté? C'est ta femme? Non, c'est ma maîtresse, mais chut. Ah, c'est ta maîtresse? Oui. Bon, elle n'est pas gentille, hein. Bon, ah bon, pourquoi? Elle a d'autres copains, elle t'a pas dit? Non. Vous êtes sérieux? Ben si, c'est vrai. Mais vous avez vu ça comme ça maintenant, là? Voilà, je viens de voir ça. Hé, hey, viens ici. Elle se trompe. Hé, hey, y a le professeur Seco, il vient de me dire que t'avais quelqu'un d'autre, espèce de connasse. Ah merde, mais pourquoi il a balancé lui aussi hein. Connasse. Merde. Mais pourquoi... Tiens, prends ça. Ça m'apprendra. Tiens. Pourquoi tu cries? Bah comment ça, vous me dites qu'elle a quelqu'un d'autre et je dois rigoler? Mais elle se trompe, elle dit que t'es pas un bon mec. Comment ça? Mais dites donc, alors vous êtes gonflé vous. Mais c'est vrai. Bon, enfin dis donc, alors, je vous appelle pour souhaiter l'anniversaire d'Amor et vous me parlez d'un truc que je voulais pas savoir. Apparemment que tu es un petit rigolo, donc c'est pour cela que t'es comment pas un mec sérieux. Mais alors, et où est Michael Jackson? Elle aime les mecs qui sont sérieux, classe, cool. Bah je suis sérieux, classe, cool, je comprends pas. Non, t'es pas cool, t'es... Ah si. Bon, t'es un poutine, c'est pour cela qu'elle te trompe. Mais enfin, mais et dis donc, hé oh. Et puis elle se trompe juste avec un gars qui t'a... Gueule. Salope. Oh bon, mais alors qui c'est, vous pouvez me le dire. Ah non, ça je le dirai jamais. Bah pourquoi? Voilà, même leur dernière rencontre c'était, tu sais à quelle heure? Ah non. Hier à 17h. Non. Voilà. Bah, il est blond? Non, ça je te dirai pas. Bah si, mais juste, il est brun? Non, je te le dirai pas. Il est roux? Mais en tout cas, c'est mieux pour toi de chercher une nouvelle fille, hein, parce que... Ah bon? Bah ouais, avec elle... Bon bah écoute, bah, je vous remercie pour l'information, hein. Je vous dois quelque chose? Voilà, non, tu me dois rien, c'est gratuit. Ah bah écoutez, bah, je vais en profiter alors. Bon bah merci beaucoup alors. De toute façon, toi aussi tu lui as trompé une fois, bon c'est... Comment? De toute façon, toi aussi tu lui as trompé, donc c'est pas grave. Oui, mais enfin, ça le sait pas, hein. Mais... En tout cas, c'est bien, parce que vous voyez juste, hein. Ben ouais, tu te souviens. Bah bien sûr. Et vous savez combien de fois? Ah voilà. Vous avez combien de fois? Hein? Vous savez combien de fois j'ai trompé? J'ai dit tu l'as déjà trompé, tu le sais. Oui, mais justement, je voulais savoir si vous saviez. Ben tu la trompes tout le temps, tout le passant, t'es pas sérieux. Ah ouais, mais non, bon, franchement, je vous conseillerais, hein. Y a pas de problème, hein. Ne me conseiller de quoi? Eh ben à d'autres personnes, à des amis qui souhaitent éventuellement connaître un peu plus l'avenir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, hein. En tout cas, merci Jacques et entre vous là-bas. Oui, oui, pas de problème. Au revoir, hein. Merci, joyeux anniversaire, Michael. Au revoir. En tout cas, la fille, soit, tu as compris, hein. Ta gueule, salope. Aïe. Tiens. Je t'en remets encore une. Colasse. Non mais c'est un truc de fou ça. Ouais, complètement, le mec il perd pas de nord quand même. On lira tous vos messages dans un instant après Major Lazer sur Fun Radio. La bonne soirée avec Fun Radio. Hey, good music, I play, send me back, send me in, yeah. Avec le pipo à One Radio, avec Kylian qui dit juste un kiff, explosé de rire. Le mec, il se dit voyant, il voit même pas que c'est une connerie. Et puis Cassandra qui dit, mais où il est Michael Jackson, vous me faites trop marrer. Et Jonathan également, le marabout se transforme en conseiller matrimonial maintenant. Oh non, il a foutu la merde, attends, il est sérieux, je lui ai rien demandé, moi, c'est un truc de fou quand même. Et Mathilde qui dit, tu feras gaffe hein, parce qu'elle te trompe. Quel connard quand même. Bon, allez, tous vos messages qui arrivent en direct, Twitter, Facebook, ça fonctionne également, bien sûr, vous tapez Michael officiel. Et puis on va récupérer Yannis. Là dans un instant on va te reprendre. Toujours là Yannis? Ouais, ça va. Bah écoute, plutôt bien, ouais, tranquillement. T'appelles de Toulon toi. Et toi tu voulais savoir comment donner un orgasme à ta femme, c'est ça? Ouais, voilà. Bon, avant de reprendre Valentin, et on va appeler sa copine dans un instant là. Donc toi t'étais encore puceau toi, 19 ans? Ouais. Bah comment ça se fait que t'es puceau encore à 19 ans? En fait, si vous voulez, hein, j'étais en boîte de nuit un soir. Je ramène une fille à la maison. Ouais. Et après bah je fais les prélits, tout se passe bien. Et on commande au moment de faire ça, bah pouf, je débande d'un coup. Pouf. Ah bon, bah c'est mieux que... Hey, franchement, parfois, c'est mieux de débander d'un coup qu'être précoce, hein. Ouais, j'avoue. Ah, c'est vrai. Bon, mais comment ça se fait? C'est le stress ou c'est la capote je pense ou c'est quoi? Stressé sur le coup, ouais. Ah, d'accord, ok. Du coup, mais t'as... pourtant, tous les prélits se passaient bien. Ouais, ouais. C'est au niveau au moment de la pénétration que ça n'a pas marché. Bah ouais, ça arrive. Est-ce que vous avez déjà eu des pannes, vous, comme ça? Ouais, plein de fois, ça arrive souvent. Ah ouais, moi, toi, faites un vieux tracteur, hein, c'est pour ça, en fait, il a du mal à démarrer. Non, bah oui, non, j'imagine. Jamais eu de panne? Jamais, non, jamais, jamais. D'accord. Ah bah non, moi, ça m'arrive une fois. Une seule fois, ça m'est arrivé. Enfin, moi, c'est le problème des meufs que je ramène, hein. Parfois, j'ai vraiment du mal à y arriver, quoi. C'est ça. Je ramène plus que toi, je suis sûr. Hein. Ah oui, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Mais attention, c'est une question de qualité aussi, après. Faut voir à quel moment où on se met, quoi. Dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà eu des pannes. Tiens, Yannis, reste avec nous. On va te reprendre dans un instant. T'as déjà eu des pannes, Valentin, toi? Allô? Valentin, t'as déjà eu des pannes? Non, moi, j'avais eu de panne, moi. Ah, d'accord, jamais eu de panne. Bon, bah, très bien. Non, mais c'est pour savoir par rapport à Yanis. Si vous avez déjà eu des pannes, sexuellement parlant, évidemment, 01 42 48 5000. Ouais, si vous êtes tombé en panne avec votre caisse, alors ça nous intéresse pas. Hein. C'est panne sexuelle, hein, j'avais pas précisé, mais 01 42 48 5000 et pour la Belgique, 02 851 4x0. Bon, Valentin, alors toi, tu nous avais appelé parce que t'es passé donc le 4 août dans l'émission, là, pour dire que la sœur de ta meuf était plus bonne que ta meuf. Bon, c'est nous qui avions demandé en même temps, hein, si vous pensiez à des trucs, en particulier pendant que vous faisiez l'amour avec votre copain, votre copine. Toi, tu nous as dit que tu pensais à la copine de ta, à la sœur de ta copine parce qu'elle était plus bonne que ta copine. Ta copine a entendu, du coup, elle t'a viré. C'est ça. Et elle a raison. Elle a raison. Ah, ils n'auraient pas dû dire ça, mais bon. Bah non, t'aurais pas dû, ouais. Moi, je suis sincère, au moins. Bon, oui, oui, mais enfin, il y a un moment, tu sais, la sincérité, parfois, faut la mettre de côté. C'est comme quand, si t'as ta copine qui te trompe et qu'elle se dit, bon, je vais lui dire parce que je suis honnête, mais ferme ta gueule. Mais oui, si ma copine me trompe, je veux pas le savoir. Ben oui, d'ailleurs. D'ailleurs, aller au standard. Ouais, non, mais je veux pas. Non, mais je veux pas le savoir, mais sérieux. Oui, oui. C'est un, voilà, qu'elle vive avec. Je m'en branle, quoi. Tu vois, je ne veux pas le savoir, surtout pas. Donc voilà, faut à un moment, si vous avez fauté, bah, assumez. Mais c'est pas la peine de dire, je vais lui dire, ça va soulager ma conscience. Ouais, bah, enfin, en même temps, ça va foutre de l'autre côté en l'air. Oui, donc, mais oui, assumez, quoi. Fallait réfléchir avant. C'est pas une question de tête. Tu es malhonnête. Tout à fait. Tu as fauté. Exactement. D'ailleurs, tu mérites une claque. Voilà, c'est pour Polo. Moi, je préconise plutôt le marteau piqueur dans sa gueule. C'est vrai qu'on peut faire un coup de marteau piqueur. Ouais. Hein, c'est vrai que t'as fait de la merde, hein, quand même. Hein. Allô, Valentin. Si j'aurais su, ouais. Ouais. Si j'aurais su, t'aurais dû acheter un Becherel aussi, Valentin. Bon, et Valentin, tu peux prendre le téléphone parce que t'as mis le haut-parleur et du coup, on n'entend rien. Ouais. C'est bon. Comment? Allô. Non, Valentin, par contre, là, il va falloir faire quelque chose parce que ça va pas être possible sinon. Hein. Valentin. Oui. Non, on n'entend rien. Non, on n'entend rien, mec. Je sais pas si t'as mis le téléphone sous ton cul ou quoi. Il l'a là, c'est bon, là. Ah, ouais, là, ça va. Ouais. Tu vois quand tu veux. Bon, bah, très bien. Bon, Valentin, allez hop, on y va. On va appeler ta copine maintenant, d'accord? D'accord. Bon, tu l'appelles, hein, on va essayer de gérer. Tu l'appelles, si jamais ça va pas, on la rappellera après. Je l'appellerai moi, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Bonne chance, hein, Valentin. Excuse-toi, dis que t'es une sous-merde. Enfin, bref, voilà. Tout ça, quoi. C'est ça. D'accord. Voilà, puis on écoutera Martin Garrix après aussi sur Fun Radio avec Animals. Allez. Allô? Allô? Allô, Marie? C'est moi? Oui. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je t'avais dit que je voulais plus t'entendre. Ouais, je sais, mais je voulais m'excuser. Je sais ce que ça fait pas. Je sais pas ce que j'ai fait, mais tu vois, j'étais bien. Mais t'as avec pas compris que tu me dégoûtes. Je veux plus savoir. Je veux plus de tes nouvelles. Tu comprends? Non mais calme-toi, je dis ça, mais t'es, je pensais pas vraiment, toi aussi t'étais quand même... Mais non, t'es qu'un enculé. Eh hey, mais vas-y, calme-toi et tout. Mais non, mais je veux plus avoir de nouvelles de toi, est-ce que tu comprends? Je peux avoir le numéro de ta sœur? Nique ta mère. Eh, je peux avoir le numéro de ta sœur, apparemment elle est bonne. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. Non, mais ouais, mais d'accord, mais moi je préfère le numéro de ta sœur. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Oh vas-y, sois sympa, elle est bonne, il paraît. Eh hey, Valentin, t'as le numéro ou pas là de sa sœur? Oui, je l'ai. Ah, bah, tu pourras me le filer, le numéro de la sœur? Vous êtes des fils de pute. Vas-y, fais tourner. Eh hey, Marie. Écoute, Marie. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? T'es qui? Bah, moi, je suis un pote. Je suis un mais pote. Je suis un pote de Valentin, je m'appelle Michel. Mais je m'en bats les couilles, tu comprends pas? Mais moi je voulais le numéro de ta sœur. Comment elle s'appelle? Mais je m'en fous, tu le demandes à Valentin, je dois le connaître par cœur, non? D'accord, ok. Bon, je vais faire ça alors. Bon, bah salut Marie. Bonne idée. Salut Marie. Écoute Marie. Tu es avec qui, Valentin? Je suis avec des potes, on est avec des potes, on est tous ensemble, c'est ouais, pisse. C'est trop bien. C'est cool. Non mais écoute Marie, je vais m'excuser, de toute façon on peut repartir de tout à zéro et tout, je suis prêt à faire n'importe quoi. Non, on ne repartira pas de tout à zéro, tu me dégoûtes, est-ce que tu comprends, tu me dégoûtes. Mais écoute, on reprend un voyage et tout, je t'en mets... Un voyage, tu te le mets dans le cul, c'est bon maintenant. Non mais écoute, tu manges, je veux pas vivre sans toi et tout, comment je fais pour dormir la nuit sans toi? Non oui, t'inquiète, j'y arrive très bien. Bon, hé Valentin. Oui. Valentin. Tiens. Voilà, terminé. Voilà, elle ne sert plus à rien, Valentin, elle veut plus de toi là. Bon Marie, t'étais en direct sur Fun Radio là, je pense que tu l'as viré une bonne fois là, non? C'est fait, hein? Oui. Voilà. Eh ben voilà, bonne nouvelle. Elle est contente. Ah bah du coup, elle est contente, effectivement. Mais si, par contre, Marie, je veux bien le numéro de ta sœur, moi, en revanche. Hein. Ouais, moi aussi. Voilà. Ah, non, ah si, si, si, si, si, si, si, si, avec plaisir. Allez, allez. Bon, Marie, je te fais des gros bisous, là. Moi aussi. Allez, bisous. Salut à toi, ciao. Et dans un instant, sur Fun, on se tape le son de Martin Garrix sur Fun Radio. Là, prenez le contrôle de Fun, on est là jusqu'à 2h du mat. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64-900. Sur Fun Radio. Mickaël, no limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est sur Fun Radio, la bienvenue si vous venez de débarquer, prenez le contrôle de la radio, on est là jusqu'à 2h du mat, 01 42 48 5000. Vous pouvez également venir nous suivre hein, si vous voulez, là sur le Twitter de l'émission, vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Hein. Vous faites un petit follow et moi je vous follow back bien sûr sans problème. Et je vous rappelle aussi que tout à l'heure on aura aussi un iPod à vous offrir, l'iPod Nano qui déchire tout, là, le tout dernier en date 5e génération je crois, à choper sur le Facebook. Tirage au sort tout à l'heure en direct sur le Facebook et uniquement pour les internautes. Voilà, facebook.com/Mickaël officiel, jeu gratuit, profitez-en. Il y a petit format qui dit je passais une journée de merde, mais vous écoutez me remonte le moral. Bah écoute, j'ai envie de te dire tant mieux alors. Hein. Et puis on a aussi des messages notamment de Lily qui avait envoyé son message là à l'instant. Lily qui dit comment c'est trop bon, moi aussi je veux le numéro de la sœur. Et Charley qui dit trop dommage qu'on n'a pas pu avoir la relation avec Michael Jackson tout à l'heure. Et puis Banana qui dit pouf, plus de zizi. On parle rapport. On a parlé d'un truc de zizi ouais, moment. C'est tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Allez, on écoute Martin Garrix maintenant sur Fun Radio. C'est Animals. Allez, bonne soirée tout le monde, on est jusqu'à 2h. Fun Radio, c'est Mickaël, No Limit jusqu'à 2h. Message de Poupoulinette aussi qui dit tu peux me souhaiter bon anniversaire sans payer, j'ai 30 ans. Eh ben bon anniversaire, Poupoulinette. Il y a Guilain aussi qui dit ouais, il a pas de chance le gars. Non là, il a pas eu de bol celui qui vient de passer avec sa copine là. Et alors Ryan qui dit envoyez un coup de bazooka sur moi s'il te plaît, merci. Écoute avec plaisir. Tiens, un coup de bazooka, tiens voilà. Voilà, si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Je l'ai reçu hier en plus, donc ça c'est cool évidemment. Soyez tous les bienvenus, hein, tous les nouveaux qui viennent d'arriver là, Facebook, Twitter et puis sur Instagram, vous tapez Mickaël officiel, venez nous rejoindre avec grand plaisir. Retour avec Yanis maintenant. Il est là Yanis. Ouais. Toujours là. Eh ben parfait. Bon alors Yanis, toi tu nous appelais parce que tu voulais savoir comment faire pour donner un orgasme à une femme, c'est ça? Oui. Bon, si c'est possible avec la copine de Valentin, ça m'irait bien. Et avec la sœur de la copine ouais, de Valentin. Les deux, hein. Moi je suis pas jaloux, je prends les deux. J'imagine, mais tu vas d'abord apprendre à plus tomber en panne et après tu pourras te permettre. Ouais, j'avoue. Hein, parce que là il se la ramène là. C'est oui mais je tombe en panne la dernière fois, je tape dans la merde. Ah, tu m'étonnes. Bon, attends une seconde. D'abord on va prendre. On était parti aussi sur les pannes. Il y a Mathieu qui nous avait appelé de Metz là. Salut Mathieu. Salut Mickaël. Comment ça va? Nickel, et toi? Eh ben tranquille, Mathieu, tiens. Justement, là, une auditrice avec nous, là, Steph de Metz, là, bon, elle était de Metz avant, là. Attends, on va lui mettre son micro, là. Comment ça va, Steph? Elle est passée nous voir. Mais ça va nickel, merci. Bah, attends, parle juste un peu plus près du micro, là. Voilà, un petit peu plus près. Ça va, merci. Voilà, ne gueule pas non plus dedans, hein. Tu ne dois pas gueuler, tu le prends juste. Non, ça va. Non, mais ça va, ça soulage un peu quand même. Bon, Mathieu, on était parti sur les pannes aussi, tiens, avec Yanis, là, tout à l'heure. Là, t'es déjà tombé en panne, Mathieu? En panne sexuellement, je parle, hein. Oui, je suis tombé en panne sexuellement il y a 3 jours. Oh merde, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans un chemin de champ et... Non, t'es sérieux? Tu vas pas me parler de ta voiture là, Mathieu, j'espère. Hein. Oui. Tu me parles de quoi? De ta voiture? J'étais garé avec ma copine et il y a les flics qui sont arrivés par derrière. Ouais, ah, ils vous ont... Ils ont toqué au carreau et ils nous ont demandé ce qu'on faisait et on était en plein acte. Ah d'accord, ok. Quand tu m'as parlé de ta voiture, j'ai cru qu'elle était tombée en panne, c'est genre avec ta caisse là. Ils n'avaient pas compris le concept. Ah oui, non mais là c'est après, c'est différent. C'est parce que tu t'es fait surprendre par les flics, il y avait un peu de stress et c'est peut-être pour ça que t'es tombé en panne. Mais dans une situation entre guillemets normale. Non, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Et toi t'es tombé en panne, c'est-à-dire là t'as demandé complètement quand les flics sont arrivés? Oui. Mais grave, ça fait flipper. Moi, ils me l'ont déjà fait. Hein. En fait, ils s'étaient mis derrière la bagnole. Ouais. Et donc, en fait, ils sont arrivés les feux éteints. Ils sont mis juste derrière. Et quand ils sont arrivés, genre, à 1 mètre de la voiture, ils ont allumé la sirène et tout. Je peux t'assurer que ça te fait bien flipper. Hein. Ils ont dû bien se marrer, eux. Hein. Ouais, moi, ça m'est arrivé une fois, mais tu sais, j'avais mis les gyrophares, un endroit où ils faisaient tout noir. Et puis, tu sais, ils arrivent avec cachez vos fêtes. Bah. Que je te dise, ouais. Non, on fait un jeu de cartes. Ouais, vous pouvez pas faire ça chez vous. Bah non, si vous voulez, quand vous expliquez qu'on a les parents à la maison, c'est un peu compliqué, quoi. Attends, ouais. Moi, je me suis jamais rhabillé aussi vite que ce jour-là. Ah ouais. Non, mais c'est clair. Bon, en même temps, t'es rarement complètement à poil hein, quand tu fais ça en voiture. Bah oui. Ça dépend. Ouais, il m'est arrivé des fois. Oh, quel dégueulasse. Bonjour. Quel dégueulasse, oh là là, je vous jure. Bon, et donc du coup, Mathieu, ta copine, elle a dit un truc ou était vénère, pas vénère? Bah, elle était énervée, mais maintenant, on le fera chez moi. Ouais. Oui, bah c'est mieux, ouais. Bah, oui. Enfin, c'est mieux, après, c'est peut-être un peu moins fun, mais... C'est moins drôle si tu mets ta voiture dans ton garage et que tu le fais dedans, quoi. Ouais, t'imagines, tu fais ça dans le garage. Ah bah c'est une bonne idée mais... Ah c'est une bonne idée, bon écoute, alors si on a pu en servir à quelque chose, nous avec plaisir, hein, pas de problème. Bon bah merci Mathieu d'être passé. De rien, bonne soirée, je peux passer une dédicace? Bah bien sûr, vas-y ouais. Je passe une dédicace à toute l'équipe U17 dans un et à tous mes potes. Très bien, bel message est passé. Eh hey, oh, j'ai oublié de te poser la question Mathieu, là t'es fan de la page, t'as fait un like déjà sur la page ou pas? De l'émission? Oui, t'as fait un like, oui. Bon ça va alors, t'as de la chance, sinon j'aurais dû te demander quelque chose en échange, parfait. Bon merci Mathieu, passe une bonne soirée, l'écoute de Fun et puis reste fidèle à Fun. Merci, je peux avoir un pack fun? Mais évidemment, je te renvoie chez Sandro avec les nouveaux stickers d'ailleurs dans le pack fun. Les nouveaux stickers que vous pouvez voir d'ailleurs, hein, je les ai mis sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram de l'émission. Là vous tapez Mickaël officiel et si vous voulez les choper les stickers, n'hésitez pas 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Allez-y, vous lui demandez à Sandro ou au stagiaire, là, il décroche le téléphone parce qu'il s'ennuie un peu là. Non, c'est mieux par mail. Non, il s'ennuie mais un peu. Mais ça bloque les lignes. Hein. Mais non, mais arrête un peu. Du temps par mail, c'est beaucoup pas les plus lignes, rapide. On en a qu'une, arrête en cinéma. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bon on va te filer ça Mathieu là, il n'y a pas de problème. Dans un instant on ne bouge pas de là. Et puis je vous ai mis la vidéo aussi là pour ceux qui n'ont pas encore été voir la vidéo sur le Facebook là, la vidéo d'un couple qui cherche un plan à 3. Donc le spécialiste de ça dans l'équipe évidemment c'est Toff. Alors évidemment dans un instant tu vas essayer d'appeler pour trouver quelqu'un. Bah écoute comme j'ai jamais réussi c'est peut-être l'occasion. Bah ce sera l'occasion avec Sandro justement qui va encore prendre un peu de retard avec les appels qui arrivent au standard. Très donc dans un instant voilà, donc je vous ai mis une vidéo sur le Facebook, allez voir, c'est donc un couple qui essaye de trouver un plan à 3, vous allez voir que c'est pas forcément simple. Et avant de faire les appels, eh ben on va prendre Margot le retour avec la colle. T'es là Margot? Salut. Salut. Oh quelle voix mignonne. Ah mais arrête, j'ai une voix de canard. Bon Margot, allez hop. Ouais. On répète, enfin tu répètes plutôt la petite colle de ce soir. Alors combien de fois on peut soustraire 6 de 36? Combien de fois peut-on soustraire 6 de 36? Si vous avez la bonne réponse, des cadeaux évidemment sont pour vous. Il suffit simplement d'envoyer Mickaël, espace la réponse, par SMS au 64 900 ou pour la Belgique au 63 22. Répète encore un coup Margot. Combien de fois peut-on soustraire 6 de 36? Combien de fois peut-on soustraire 6 de 36? Très bien. Bon, ben c'est noté. La réponse sera dans une bonne vingtaine de minutes, Margot, d'accord? Ok. Bon, et pour les autres, bah, maniez-vous si vous avez la réponse. Combien de fois peut-on soustraire 6 de 36? Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 pour, par SMS donc et au 63 22 pour la Belgique. On te récupère. Tout à l'heure, Margot. Je n'ai pas de problème. Oui, sur la mission. Okay. Allez. Ah, et au moins, je peux le faire. Je suis portugais. Ouais, toi, tu te tais, toi. Toi, tu te tais. Voilà. Non, mais je rêve. Salut, Margot. À tout à l'heure. Salut. Allez, à tout à l'heure. Bon, Yanis, reste avec nous. Hein. On va essayer de trouver une solution. Ouais. Là, on va demander à Steph, tiens, l'autrice qui est passée nous voir, là, comment faire, puisque tu voulais savoir comment faire pour donner un orgasme à ta copine. On lui posera la question. De quoi tu dis? Tu peux la donner à Margot aussi? Non, elle a 14 ans. Tu la laisses tranquille, Yanis. Bats les pattes. Bats les pattes. Pas Margot. Bats les pattes. C'est compris? Avant que je m'énerve. Ok, y'a pas de soucis les gars. Bon, alors ça va. Alors, on va donc appeler maintenant, on va voir si Toff fait le malin. Sandro, t'es prête? Oui. Non, on t'entend mal. Déjà, s'allume ton micro, on l'entendra mieux. Oui. Voilà. Bon, alors, direction des appels, au hasard évidemment, pour savoir s'il est facile de trouver un plan à 3. C'est un petit peu ça le concept. Hein. Allons-y. Voilà, donc on va appeler des gens au hasard en espérant qu'on tombe pas sur Mémé. De toute façon, moi je réponds pas aux cons. Hein. Bon, j'espère qu'on tombera pas sur elle évidemment. Elle était sympathique, ma foi. Hein. Donc on appelle, vous êtes prêts? On est prêts. Allez, c'est parti, on y va. On y go. Puis on écoutera Sean Paul aussi tout à l'heure là. Avec Other Side of Love. Tes souhaits. Merci. Ça décroche pas là. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je t'appelais pour savoir si c'était possible ce soir qu'on fasse un petit truc à trois. Pardon, c'est une blague de mauvais goût. Franchement, c'est vrai que ça a à faire. Mais pas du tout. J'étais avec ma chérie, là, et on avait envie de prendre du bon temps. Ouais, on a envie de te raccrocher au lait aussi, tiens. Voilà. Franchement, la raccrocher au lait, c'est pas bien. Franchement, c'est une blague. Bon, on rappelle. Oula, sa gueule. Allez, c'est reparti. J'espère qu'elle va pas mettre autant de temps pour répondre. En tout cas, c'est plus rapide que le professeur Sekou qu'on a eu tout à l'heure. Oui, allô? Oui, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en communication avec madame, on a été coupé. Oui, alors qu'est-ce que se passe? Ben en fait, j'appelais pour savoir si vous étiez disponible ce soir pour faire un petit truc sexe avec chérie. Oui, et pourquoi pas un coup de poing dans la gueule, ça t'intéresse aussi? Bah si ça vous excite, pourquoi pas, hein. Mais généralement... Mais pourquoi pas, on peut le faire si vous voulez, hein. Parce que généralement, c'est pas là qu'elle aimait les poings, hein. Ah ouais, dans non. ta gueule peut-être. Ah non, elle l'aimait ailleurs, hein. Ah ouais, bon, si tu veux, ouais. Ah, t'as envie ouais. d'essayer Allez, ou pas? Au revoir, connard. Faut pas lui faire mal, hein. Ah, au revoir connard, on en a eu un sympathique aussi, tiens. Bon, donc on va le rappeler encore une fois, il était sympathique. On hein. les collectionne. Ah ouais. Il se fait surinsulter là pour l'instant, c'est bien. On y va, on rappelle. Allez. Mais ils décrochent plus, hein, ces gens, ils sont plus là, genre ils dorment. Ils sont partis. Bah ouais, on dirait. Ça suffit, j'appelle les flics de suite. Est-ce que c'est bien clair? Bah, pourquoi s'énerver, non? J'appelle les flics, si vous avez que ça à faire, moi demain je vais porter plainte, parce que franchement c'est inadmissible ça. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Oh non, raccroché, relou. Bon, c'est pas grave, on en appellera d'autres tout à l'heure, pas de problème. Retour avec Yanis dans un instant là, et Nicolas aussi qui voulait réagir. T'es là, Nico? Ouais. Bon, on va te prendre dans un instant. Toi, tu voulais réagir à Yanis là par rapport aux éventuelles pannes qui sont peut-être déjà arrivées chez toi. Donc bouge pas, on aura Pierre aussi qui est avec nous là. Salut Pierre. Ouais, salut Michel. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, écoute, plutôt pas mal. Hein. Tu nous as chez main. Bah ouais, French chemin. Ouais, t'es dans un tuyau, t'es où là? Non, dans ma chambre. Ah mais il faut acheter des meubles alors maintenant. Hein. Ah ouais, parce que ça, c'est un peu bizarre comme son. Bon, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Bah, d'orage. On va parler d'orage. Bon, bah si tu veux. Hein. Pas de problème. On va gérer ça. Je sais pas de quoi on va parler, mais on va en parler. Bah bouge pas de là, Pierre. On parle de tout ça dans un petit instant sur Fun Radio. On va parler d'orage, donc justement, ça tombe bien. Et puis on va s'écouter le son de Sean Paul tout de suite avec Other Side of Love. Restez bien sur Fun Radio, puisque dans un instant, eh bien donc on parle avec Pierre. On va refaire un petit coup avec le plan A3 également et la vidéo du plan A3 à aller voir aussi sur le Facebook de l'émission facebook.com/MIKL officiel. Midnight to Pill sur Fun Radio. C'est Mickaël Nolimitch jusqu'à 2h. Baby, you don't have to keep looking. C'est Fun Radio, la Sean Paul à l'instant avec The Other Side of Love. Si vous voulez prendre le contrôle, un seul numéro. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Ouais, et restez bien là aussi, puisque dans un instant je vais vous caler le son d'Avicii. Il y aura Avicii avec Wake Me Up. Et puis tout à l'heure avant 1h du mat là, on vous calera aussi un son que vous avez beaucoup demandé avec le hashtag Mickaël sur Twitter, le son de Showbeck. Et je vous rappelle que Polo s'est engagé à essayer de refaire la version de Showtek en pipo. C'est chaud mais... Ah ça va être chaud mais on va y arriver là. Ouais. Et je rappelle que si vous voulez nous rejoindre sur le Facebook, le Twitter, n'hésitez pas, vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Et si vous voulez discuter et ensemble tout simplement, vous mettez le hashtag Mickaël, voilà, sur Twitter. On vous attend nombreux et nombreuses. On salue d'ailleurs tous ceux qui sont connectés. Il y a Joséphine qui dit l'orage, le meilleur prétexte pour se coller à un homme et faire des câlins. C'est vrai, c'est vrai. Bien cette idée. Ouais ouais. Il y a Yaya aussi qui dit il s'est peut-être pris un coup d'électricité dans le cul, ça l'excite et il veut en parler, qui sait, lol. Eh ben on va savoir tout de suite un petit peu plus puisqu'on va le reprendre dans quelques instants justement le Pierre qui voulait en parler. Banana pareil qui dit un jour vous rentrerez dans le Guinness Book Record pour le plus grand nombre d'insultes subies. Et Kevin qui dit en vrai Toff est mort 400 millions de fois avec le lance-flamme, la mitraillette. Il vient de mourir deux fois de plus. Attends je tue encore une fois. Il a encore plus de vie que Mario Bros. Ouais, ça c'est clair. Je suis au-delà des chats. Ça c'est clair. Et Steven qui dit tu peux redonner le mail de Sandro pour les autocollants car ouais. Je voulais appeler mais j'ai plus de crédit. Bah oui. Sandro, hein, tout simplement, @funradio.fr. Ouais. Allez-y, il n'y a pas de problème. Pas, vous pouvez envoyer deux même si vous voulez. Ouais, vous pouvez mettre. Mais par contre, envoyez vos adresses avec. Ah ouais, mettez vos coordonnées. Complète, hein. Mettez vos coordonnées, ouais. Et Yaya qui dit pan, si tu bandes plus, ça veut dire que les prélis, ça te suffit, c'est tout. Bah non, pas forcément. Si s'il n'a pas éjaculé, ça suffit pas. Ça peut arriver, un petit coup de stress éventuel, pourquoi pas. Bon, allez, on va récupérer Pierre dans un instant. Avant ça, on récupère Yanis. On va encore appeler aussi des gens là pour essayer de trouver un plan A3. Bon Yanis, toi tu nous avais appelé parce que... Toujours là, Yanis est toujours OP. Hein. Bah ouais Yanis, non t'es pas toujours OP puisque t'es tombé en panne avec ta meuf, je te le rappelle. Hein? T'es tombé en panne avec ta meuf, donc t'es pas toujours OP. Bah oui mais... En plus, je vous ai pas dit le truc, elle avait des poils. Et alors? Oui mais ça arrive. J'ai défriné le mouton. Oh! Quelle horreur! Oh, t'es grande classe, Yanis. Hein. Là. Oh, t'es vraiment grande classe. Bon, attends, il y a Nicolas qui est là de Bordeaux, là. Salut, le Girondin. Allô, ouais. Nico, ça va, t'es là? Ouais, ouais. Bon, très ouais. bien, sois le bienvenu, Nico. Alors, toi, tu voulais réagir aussi aux pannes, comme Yanis ouais. a vécu d'ailleurs. Hein. Bon, alors, c'est quoi ta solution? Enfin, pas ta solution, mais c'est quoi ton histoire de panne? Moi, mon histoire de panne, en fait, ouais, c'est la même. Bah, j'allais faire ma première fois dans le bois, dans le coin, là. Ah, bah, justement, Yanis, c'est la même chose, donc ça va peut-être pouvoir t'aider, là. Vas-y, vas-y, Nico. Bah, si tu veux. La même, tu sais, j'avais la goule d'enfer. Ouais. Elle a enlevé son jean, putain, il y avait des poils suffisamment épais pour te faire une couverture. Oh, oh. Quelle horreur. Ami de la poésie, bonsoir. Quelle horreur. Bah, oh c'est là bien, là. C'est bien, au moins ça t'a tenu chaud dans le bois. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, putain. Mais la meuf, elle était un peu mignonne parce que ça peut casser, c'est un tue l'amour, hein. Ah ouais, ouais, non, mais ça m'a tué, hein. J'ai resté célibataire 2 ans. Oh, ouais. Arrête tes conneries. T'es moche, ouais. Le mec, plus jamais il a osé, il a dit non, tu veux baisser. Non, baisse pas ton pantalon. Ouais, c'est ça, arrête directement tes conneries. Non, mais ça peut foutre les boules. Prenez naturel, soin de vous, les filles. Quoi, pareil pour les mecs, hein, cela dit. Hein. Bah oui. Non, mais c'est naturel, ok, d'accord, si, mais si. C'est bah bon. Bah oui, si c'est vrai, c'est si, naturel. On les enlève, et puis mais à un moment, bah oui. On veut bien s'épiler, mais il faut que ça repousse aussi un moment quand même. Non, mais d'accord. Non. Que ça repousse pour épiler. Je suis d'accord, mais là, il a pas dit que c'est pas une petite repousse. C'est-à-dire qu'il était dans un bois carrément, là. Oui, mais il y a des filles qui ont des poils plus épais que d'autres, mais arrête, mais tu les enlèves, c'est bon. Le pire que j'ai vu, c'était à la plage, on était à la plage et tout, et t'as une meuf qui débarque. Ça débordait. Ah non, c'est pire que ça. À la Thierry Lhermitte dans les bronzés, c'est quand t'as tous les poils qui ressortent. Ouais, grave. En fait, la meuf, elle avait sous les bras, elle avait des touffes, mais un truc de dingue. Oh là là, Et donc, déjà, ça m'avait choqué. Puis elle s'allonge. Et puis en fait, tu vois qu'il y a une énorme bosse et des poils qui ressortaient par-dessus le maillot. Ah. Merci, toi, pour ça. Ouais. Je vais aller vomir et je reviens après. Là, c'est fait, là. Je pense que c'est bon, là, n'importe où dans le studio, ça va plus. Est-ce qu'on peut lui brûler la gueule parce que là, il m'a dégoûté. Là. Ouais, on peut, ouais. On va le tuer une dernière fois. C'est là que j'aurais aimé avoir le lance-flamme pour pouvoir lui brûler les poils. Bah oui, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Note, un petit épilateur, un petit rasoir, ça aurait pu être pas mal non plus. Hein. Un petit rasoir, tu t'arrives comme ça, hop là, et puis c'est quand même plus pratique. Hein. Ouais, mais c'est pas mal. Moi, j'ai déjà fait ça avec une meuf en tête. Donc quand elle avait la repousse, hein, c'était une meuf qui en avait pas beaucoup. Et donc du coup, voilà, je lui taillais comme j'avais envie, quoi. Enfin, t'arrives avec ta petite tondeuse là. Hop. Et le jour où j'avais envie de faire ticket de métro, je faisais ticket de métro. Si j'ai envie de faire un cœur, je faisais un cœur. Voilà. Quoi qu'avec la meuf, c'est plutôt une tondeuse à gazon, hein, qu'il faut. Hein. Parce que vu avec celle que t'as eue là, je pense que techniquement, Nicolas, c'est plutôt la tondeuse à gazon ou plutôt la tondeuse à cheveux? Oh putain, même la tondeuse à gazon, je suis pas sûr que ça irait. La débroussailleuse direct. Ouais, la débroussailleuse, ouais, directement. Bon, Yanis, donc concrètement, oui. Toi, pour ton problème, en même temps, c'est arrivé qu'une fois que t'es tombé en panne. On va demander aussi à Steph, là, une auditrice qui est passée nous voir, là. Comment faire, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil à Yanis pour qu'il puisse aider sa copine future, éventuelle, pour avoir un orgasme? Non, j'ai une copine. Ah bon, bah, pour aider sa copine à avoir un orgasme, qu'est-ce qu'il doit faire? Quels sont les bons conseils, Steph? Eh ben, déjà, tu as dû penser à aller... Le micro, regarde comment on l'a devant le micro. Elle n'ose pas parler. Ouais, non, si, mais c'est parce qu'elle n'a pas l'habitude, il fallait qu'elle parle dans le micro, là. Non, t'inquiète pas, moi, sinon, ça peut le faire. Ouais, non, mais t'es chaud comme la vraie, t'as une copine, Yanis, là, t'es sérieux, là? Ouais, c'est pas grave, hein. Une ou deux, ça n'a pas de prix. Ouais, ouais, mais si, justement, c'est un prix. Ouais, ouais, moi aussi, c'est un prix, moi je sais ce que ça coûte. Hein. Ah ouais, ouais. Quel enfoiré, bon, c'est là. Donc du coup, Steph, si t'as pas de conseils, dis-moi. Savoir si elle est clitoridienne ou vaginale, déjà, ce serait déjà pas mal. Ah, Yanis, t'en sais plus ou pas, toi, là-dessus? De quoi? Elle est clitoridienne ou... Je sais même pas ce que c'est. Elle est clitoridienne ou vaginale? Une Clio ou une... Ah, c'est une Clio ou c'est quoi? Je comprends pas. Bagnole. Non, clitoridienne ou vaginale? Est-ce qu'elle prend son pied quand tu lui chipotes au petit bouton ou il faut rentrer? Bah, chipote quand je lui ai pris une poêle de bouton. Non, mais en fait, en gros, il veut savoir s'il faut que tu lui titilles comme la manette de PlayStation, voilà. Ou s'il faut que tu fourres la caverne avec tes doigts. Moi, je fourre la caverne. Ah, non, ouais, c'est non, toi, d'accord. C'est toi qui décides. Elle. Mais elle. Ouais. Bon, t'as pas son numéro là, t'as pas son numéro, on va essayer de l'appeler. T'as pas son numéro. Bon bah on va te renvoyer chez Cessandro, on va essayer de l'appeler dans un instant là. Et Nicolas, merci beaucoup hein. Ouais, je t'en prie. Bon, tu reviens quand tu veux, t'as fait un like là sur la page, là sur Facebook? J'aimerais beaucoup, mais la mère est sur l'ordi. Ah merde, bon bah fais-le. Tu la dégages. Nico, tu nous aimes plus là. Ah ouais, c'est pas bien ça, Nico. Mais je vous adore les gars, c'est pas le souci. Non, tu nous aimes plus. J'ai plus d'ordi les gars. Bah ouais, mais fais un like quand t'as l'occasion là, tu vas sur le site, tu vas sur Internet. Je sais même pas si j'ai déjà fait d'ailleurs le like. Mais justement, faut le faire. Ouais. Hey, Nico, sinon ouais. Je te brûle hein. Je sors mon lance-flamme et ça va. Vas-y, je crame deux fois, vas-y. Et ça va chier, regarde. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait le malin, il dit. Bon, salut Nicolas. Salut. Allez, à tout à l'heure, bye bye. Bon, enfin, tout à l'heure, à bientôt plutôt. On va récupérer Pierre aussi qui voulait parler des orages là. Yanis aussi, dans un instant, on va appeler sa copine. Mathieu qui voulait réagir aussi parce qu'il avait un conseil pour la panne. Et puis on va rappeler aussi pour le plan 3 maintenant là. Allons-y, allons-y. Allez, c'est parti, on y va. Je rappelle qu'il y a la vidéo hein, d'un couple qui cherche un plan 3 sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/Mickaël officiel. Vous pouvez aller voir évidemment. Et depuis tout à l'heure, Toff et Sandro. Donc, essaye, toi, Sandro, t'es prête? Oui. Parfait. Bon, donc on va appeler maintenant des gens au hasard puisque vous faites former un beau couple avec Sandro. Mais je trouve. Donc, je bah trouve. Ouais. Et on va essayer de. On va, voilà, on va essayer de trouver un couple pour faire un plan à plusieurs. C'est parti. Allez. Allons-nous ou pas avoir de la chance? Allô? Ouais, allô? Ouais. Ouais, attends, je te passe ma femme parce qu'on cherche quelqu'un pour un plan à trois, mais elle veut t'expliquer. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va? Je te dérange pas? Non. D'accord, c'est. C'était parce qu'on voulait faire un plan à trois ce soir. Un plan à trois, c'est quoi? Un plan à trois, c'est un rapport sexuel à trois personnes. C'est pas le bon numéro. Hein. C'est quoi ton prénom? J'ai pas de prénom. Non, mais on peut te donner un surnom si tu veux. J'ai pas de surnom, si tu veux. Choupinou, ça te va? Ça te dit. Ah bah il a raccroché, très bien. Bon, allez, on va le rappeler alors. Hein, on va rappeler Choupinou là, c'est parti, on rappelle. Il avait l'air gentil en plus, il a pas de prénom. Allô? Oui, Choupinou. Écoute, c'est pas le bon numéro, madame, c'est pas... Bah si, on l'a refait, c'est bon, c'est le bon numéro. C'est pas le bon numéro, non. Mais ça te dit pas qu'on se voit? Écoutez, voilà, allez-y, laissez-moi tranquille là. T'es un peu trop coincé quand même, hein. Je suis sûr que si on... C'est... Allô? Allô, c'est pas... Oui, je suis sûr que si on s'était croisé dans la rue, ça se serait pas passé comme ça. Hein. D'accord, vous avez raison. Est-ce que tu es disponible ce soir? Ouais, je suis disponible, ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. Bah, et pourquoi on se verrait pas alors? Ah, mince, tu veux que je donne mon adresse? Tu venais là? Bah, déjà, je voudrais savoir ce que je dois mettre. Tu peux mettre qu'est-ce que tu veux, hein, y a pas de problème. Bah, qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aime tout, moi. C'est vrai? Ouais, ouais. T'es pas difficile? Pas de problème. C'est vrai? Ouais, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu vas mettre? Moi, je vais mettre un... Tu veux ramener un goût avec moi? D'accord. Voilà, je vais mettre ton cul, si tu veux. Oui. Voilà. Chérie! C'est quoi? Oui. On a assez parlé, là. C'est bon, vas-y, laissez-moi tranquille. Bah, chérie, hein. Allô? Ah non, en fait, il y a un problème avec ta voix, toi. Enfin, à chaque fois que tu lui parles, il raccroche. Ouais, je comprends bon, pas. Attends, on va le rappeler encore un coup, là. Plus, il était ready, apparemment. Plus que ready même. Allez Choupinou. Allô. Oui allô. C'est qui là? Oui moi c'est Toff. Et j'étais avec ma chérie Sandro. Et on était avec a priori ton copain. Il nous a dit que c'était bon pour ce soir pour. Non mais vous avez vraiment vous avez rien à faire là de nous faire chier. Bah non, nous on a rien à faire et en plus il avait l'air super chaud et tout, il paraît qu'il allait sortir son god. Connard, vas-y lâche-moi la grappe toi, vas-y va te faire enculer connard. Ah ils sont en pleine forme ce soir, c'est oh, bien elle est ça. Chaude, elle est chaude. Bon ouais, on appellera d'autres personnes tout à l'heure là, restez sur Fun Radio, Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h, prenez le contrôle de la radio maintenant. Et si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas avec tous les auditeurs également. Il y a le prince Nadia aussi qui dit la voix trop sexe de Sandro, personne ne pourrait lui résister, ben visiblement si. Et Kevin qui dit Mickaël, t'as pas assez de budget pour acheter un fusil à pompe pour Toff ou faut se cotiser, ça nous ferait plaisir. Ah ben on va essayer de gérer, je vais essayer de trouver un fusil à pompe, tiens. On fait ça dans un instant sur Fun Radio, la bonne soirée tout le monde, on est là en direct jusqu'à 2h du mat. C'est Mickaël No Limit sur Fun. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Fun Radio. No Limit. Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, dans toute la France, 01 42 48 5000, avec Damien qui dit, vous avez rappelé le marabout? Ah ouais, c'est trop tard, on l'a fait tout à l'heure, notre ami, là, comment il s'appelait encore, j'ai oublié. Professeur Sékou, ouais, professeur Sékou, on l'a appelé tout à l'heure pour l'anniversaire de Michael Jackson, mais il a pas pu nous aider. Léo qui dit, allez Toff, tu vas l'avoir ton plan 3. Guillaume qui dit, faudrait faire une compile d'insultes tellement vous en prenez. Ah ouais, on prend cher là pour l'instant. Et alors, Nadia qui dit, j'ai le sentiment que vous traumatisez les auditrices qui passent vous voir dans les studios. J'ai hâte de venir vous voir. Mais non, on les traumatise pas là, qu'est-ce que tu racontes là? N'importe quoi même. Et il y a Enzo qui dit j'aimerais bien chanter le générique de fin avec vous, il y a moyen? Ouais ouais Enzo, on va t'appeler tout à l'heure là, je vais donner le numéro de téléphone à Sandro. On va t'appeler pour chanter le générique de fin avec grand plaisir. Et petit panda qui dit tof et unique, il ne meurt jamais. Ouais c'est ça. C'est ça. En fait en gros c'est ça, il meurt jamais. Allez, venez vous inscrire également si vous voulez choper votre iPod Nano maintenant sur le Facebook, facebook.com/michaelofficiel. On va vous passer le son d'Avicii maintenant, c'est Wake Me Up sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Feeling my way through the darkness. C'est Fun Radio avec Avicii à l'instant et Wake Me Up. Je suis en train de vous mettre la vidéo, la photo de Toff en mode trou du cul, hein, on peut dire ça comme ça. Non, pas du tout. Je suis bah, hyper si, c'est ce qui est marqué si, sur ton bien, t-shirt. Bah, t'es trop gros, quoi. Non, mais ça s'adresse à celui qui le lit. Ah ouais, ouais, ouais, ah, ouais. Mais bon, en fait, t'es quand même en mode tour du cul. Je vous la mets maintenant, là. Voilà, vous allez pouvoir aller mater ça tout de suite sur le Facebook. Et Enzo, je viens de t'envoyer un message privé là sur Twitter. Là, réponds, là, s'il te plaît. J'aimerais avoir ton numéro de téléphone. Et vite. Donc, et plus vite que ça avant qu'on s'énerve, effectivement. Donc, vous pouvez aller voir la photo donc de Toff en mode, en mode, alors vraiment pas là. Je crois pas non. Il y a des filles. Elles sont super belles. Qui êtes-vous les filles? Bonjour les filles. Il y a des filles qui passent devant le studio, qu'est-ce qui se passe là? Celle-là avec écrit Use ou Muse. Ouais, mais le problème c'est que Toff vient de leur faire peur. Ouais, elle se sauve. Et hop, du coup elle se elle a tourné la tête. T'as vu? Non, là, mais Toff, c'est pas possible. Oh là là, tu fous la poisse. Elle a fait genre un regard d'ailleurs. Ouais. Elle a fait. Ouais, putain, laisse tomber. C'est qui ces cassos là? Sauve-toi, elle a dit à sa copine. Laisse tomber, ils sont sérieux ou pas? C'est qui ce con avec son assaut là? Quelle horreur! Quelle horreur! Roulez-lui la gueule. Voilà, et hop là, dans sa tronche. Voilà, donc allez voir maintenant facebook.com/michaelofficiel tout de suite sur Fun Radio. Il est tellement laid qu'il va prendre une photo de cette laideur. Tu veux prendre une photo de cette laideur? Attention, ne pas nourrir, hein. Il ne faut pas nourrir. Voilà, il ne faut pas nourrir. Bon, donc vous pouvez voir la photo donc de Toff en mode trou du cul, hein. Vous pouvez aller la voir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/michaelofficiel. Il y a Mister Steven qui dit en fait Toff c'est un nouveau personnage de South Park, à lui tout seul avec les insultes, et puis comme Kenny il meurt tout le temps. Non, en fait il meurt jamais, c'est ça le truc. Et Kevin qui dit plus jamais Toff ne met un t-shirt comme ça, c'est honteux. Il pète, on va le péter, tu vas voir, c'est ça qui va se passer. Attends, ouvre un peu la porte, je vais demander aux filles le ravi là. Moi je veux mieux. Non, on s'en fout. Mademoiselle, venez 2 secondes, j'ai une question à vous poser. Deux secondes. Bonsoir les filles. Je voulais avoir un avis franc, un avis sincère. Vraiment, n'hésitez pas, on se connaît pas, je ne sais même pas ce que vous faites là d'ailleurs, mais soyez les bienvenus. Très bien. Et qu'est-ce que c'est une anglaise. Ah. I'm sorry, I come from London, I don't speak French. Mais non, t'es une vraie française, ça se voit ça. C'est pas grave, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu penses de son t-shirt? Sois franche. Asshole. Tu dois juste dire qu'il pète, c'est tout. Voilà, et vous les filles? Attends, approche-toi du micro si l'on t'entend pas. Ça c'est la mieux celle-là. Celle-là c'est ma préférée. Bah, parce qu'il y a Mew sur le t-shirt. Alors? Je dirais que ça fait un peu geek. Mais après c'est un avis perso. Non mais t'as raison, voilà exactement. Et toi la dernière, alors qu'est-ce que tu en penses? Sois franche, approche-toi du micro, dis-nous. Si tu peux juste ne pas vomir sur le micro. J'hésitais entre vomir et effectivement on te dire. Oui, j'avais vu dans ton regard. Ah ouais, voilà. C'est pas incroyable. Et alors il se la ramène depuis tout à l'heure là avec. Pour les auditeurs, on peut juste dire qu'en fait il y a Kenny sur le t-shirt. Oh, you speak French? Oh. Yes man, of course I do. Oh yeah, come on motherfucker. Bon, très bien. Ouais, il y a Kenny effectivement sur le t-shirt, c'est d'ailleurs ce qu'il sauve, hein. Mais c'est tout quoi. Le t-shirt ou moi? Les deux. Ah. Voilà, c'est ça. Bon, ben merci les filles, hein. Merci. Bon, on vous laisse retourner dans le couloir avec plaisir, hein. Vous repassez quand vous voulez. Bonne soirée en compagnie de Michael. Eh bien merci, bonne soirée mademoiselle. Au revoir. Bon, voilà, comme ça au moins on a eu l'avis direct de filles qui étaient dans la radio. Donc le t-shirt de Toff est quand même relativement laid. Quoi que ça va bien avec sa tête. C'est assorti. Il est parfait ce t-shirt. Non mais c'est assorti avec ta tête au final, hein, voilà. Donc allez, donnez votre avis maintenant, facebook.com/michaelofficiel, ou alors direction aussi le Twitter et Instagram. Vous tapez pareil, michaelofficiel, je compte sur vous. Retour avec Yanis pour terminer. Oui. Mathieu qui était en panne également là, encore un bordelais de Gironde. Comment va le Gironde, Mathieu? Salut à tous. Salut. Ouais, bon, ça va. Attendez, parce qu'il y a les filles qui font des photos de nous, mais à travers la vitre, j'ai l'impression d'être dans un zoo. Donc, pour en faire ici, si vous voulez, pouvez revenir, hein, pas de problème, hein, ça pose pas de problème, hein, vous pouvez revenir. Bon, Mathieu, sois le bienvenu, 29 ans. Donc, toi, t'appelles pour donner un conseil sur la panne de Yanis. Oui, voilà. Mais en fait, je pense que la prochaine fois que ça lui arrive, il faut pas qu'il hésite à en parler avec sa copine. Parce que c'est juste. si elle tient à lui ou si lui tient à elle, voilà, le dialogue ça arrange tout. Ouais, ça tient, ouais. Ça tient qu'une petite pipe en fait. Voilà. Super. Ah, mais, Tof. Bah, après, parce que la tarte au poil, après, c'est pas génial quoi. Ouais, mais 1,69 et ça repart. Ouais, oui. C'est non, ça. Voilà, mais surtout le dialogue, ça aidera vachement. D'accord, et Yanis, mais il a pas l'air ouvert au dialogue avec sa copine, hein, puisque c'est-à-dire qu'on l'a eu au téléphone pendant quoi, peut-être 5 minutes au total, et pendant et 3 fois de suite, il a dit ouais, mais moi je veux bien l'autre fille. Hein. Oh, il y a Steph dans le studio, moi je veux bien aussi. C'est ma copine. Oui, on va l'appeler, on va l'appeler. Ouais, attends, lui dites pas que je la trompe. Hein. Non, bien sûr. Il se passe quelque chose dans cette radio. Voilà. Il se passe des trucs chelous ici. Mais après, voilà, avec le dialogue, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent. Non, mais c'est clair. Et donc après ça ira tout seul. Bah écoute, j'espère. En tout cas, il y a aussi Dimitri qui est avec nous là. Salut Dimitri de Rouen. Juste les gars, salut tout le monde. Attends Dimitri, excuse-moi. Oui Matt. Ouais, c'est possible d'avoir un petit klaxon. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, sans problème. Bah c'est cool, je t'en prie. Salut Matt, à toi et merci beaucoup d'être passé. Hein. Tu reviens quand tu veux sur Fun, à bientôt Matt. Ça marche, merci. Ciao. Dimitri, on t'écoute, sois le bienvenu. Salut Mickaël, ça va bien ? Est-ce que t'as fait un like sur la page de l'émission là avant que tu puisses parler ? Bien sûr que oui, hein. depuis la première émission. Parfait, tu es le bienvenu alors. Bravo. Dimitri, tu es VIP. Champagne pour nous. Voilà, c'est ça, exactement, oui, champagne directement. T'aimes bien le champagne ? Oui, j'aime tout. Ah ouais, c'est ça, lui il s'en fout. Hein, du moment qu'il y a à boire, je suis comme toi, c'est pareil. Ben voilà. C'est pareil avec les meubles, du moment qu'il y en a, c'est bon. Allez, voilà. Bon, c'est un bouchon de champagne vraiment. C'est l'ai acheté chez Bonhomme quoi. C'est... Bon, alors Dimitri, c'est quoi le conseil que t'as donné à Yanis avant qu'on appelle sa copine en direct? C'est pas vraiment un conseil, moi j'ai appelé pour défendre les femmes. Ah, vas-y, on t'écoute. Parce que quand j'entends dire que des mecs, oh, la vie, une touffe de poids, nanana. Ouais, rappelons que toi-même, tu as été une femme il y a quelques années. Hein. Exactement. Et donc, les hommes ont plein de poils et les femmes n'aiment pas non plus. Alors, il faut arrêter de dire, oh, les femmes ont plein de poils. C'est vrai que les femmes aussi aiment bien que l'homme soit un poilu. Ouais, mais alors... Essaye avec un berbe la prochaine fois dans la phrase, tu verras, ça donne mieux. Non. Mais cela dit, il y avait le soin, c'est vrai. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a des filles qui aiment bien les mecs, bien les mecs poilus. Alors, il faut pas que spécialement que ce soit surpoilu. Ouais. Mais après, voir un mec, complètement imberbe, t'as l'impression de te taper ton petit frère, quoi. Enfin, j'imagine, hein. Non, mais c'est vrai. Attends, il y a Steph dans le studio, tiens. Attends, il y a une auditrice qui est passée nous voir, là. Il y a Steph qui est là ce soir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu préfères les mecs imberbes, Steph? Ah, mais royalement. Ah, ouais, d'accord. Et toi, Sandro? Les mecs imberbes ou tu préfères les mecs poilus? Ou un peu, ou une demi-mesure? Ouais, au milieu. Au milieu? Ouais. D'accord. Donc, poilu au niveau de la bite, quoi, pas le reste. Non, c'est pas ça. Non, s'il y en a pas. Grosse touffe autour du bain, voilà. Arrête, pour tenir chaud. Non. Exact. Ouais. Non, si c'est, il y en a trop, tu peux couper tu coupes, tu te dé. Ah, tu coupes, ouais. Bah, il y a des mecs qui passent la tondeuse. Ah, bah oui. Viens, attends, on va jouer au coiffeur. Ouais. Mais ça me dérange pas s'il y en a. D'accord. Ah bon. Non mais bah comme ça au moins on sait, très bien. J'ai du poil là. Bon bah très bien. Bon non mais Dimitri, cela dit, voilà, après je dis pas que t'as tort, hein, mais il y a aussi des filles qui aiment bien, enfin que ça dérange pas en tout cas s'il y a des poils quoi. Ouais, mais c'est vrai que les hommes prennent beaucoup moins soin de leur sexe qu'une femme. C'est ça qui est un peu dérangeant. Moins, je trouve, hein. Ouais, il y en a de plus en plus des mecs qui en prennent soin, effectivement. On met de la crème. Mais bien sûr, de la crème dépilatoire, de la crème anti-rides au niveau de la bite, tout ça. Bien sûr. C'est pour pas avoir les couilles fripées, ça. Voilà, exactement, ouais. Bon, attends, reste avec nous, Dimitri. Yanis, on va appeler ta copine maintenant, oui. D'accord? Allez. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on va lui demander, alors, directement, Non, c'est l'équipe qui toujours ou pas, parce que malgré ce problème, faut qu'elle m'aime. Bon, ben vas-y. Attends, Yanis, appelle-la, on va se démerder, t'inquiète pas. Tu commences à parler, on est derrière, t'inquiète, on est pas loin. Message de Banana qui dit, sans vous, les nuits sont, comment dire, nulles. Oui, bébé, tu m'aimes toujours? Merci, Banana. Oh, bah oui, il pourquoi va cache, lui. Hein. Bah, je sais plus, moi j'arrive plus à bander. Arrête. Bien. Bah, comme toujours, hein. Oh putain, voilà. Voilà, quand on se fout de ma gueule. On se garde contact quand même, bébé. Mais pourquoi tu m'appelles à cette heure-là? Bah, je sais pas, moi je pense trop à toi, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une faille spatio-temporelle ou... Ah, est-ce qu'il est fou? Bah voilà, mais tu m'aimes plus, toi? Bah, je me pose des questions, quoi. Pourquoi? Ah, au début, elle disait oui, hein. Ouais. Bah, attends, ouais. Tu débandes tout le temps. Je me demande si tu me trompes, à la fin. Ah, elle croit qu'elle excite pas, en fait. Non, je te trompe pas, je te promets. Ah non, t'inquiète pas, hein, il est juste mauvais, hein. Mégane. Ah ouais, on a remarqué ça. Bah ouais, on a une longue discussion avec lui et effectivement, comment t'expliquer que... Parce que Yannis, t'es en direct sur Fun, Mégane. Chérie, oui. Mais, ah, les prélis, je gère quand même. Moyen. Mais t'es une bite molle. Ouais. Hey, il rigole. Mégane, je te coupe deux secondes, mais c'est juste pour savoir à qui on a affaire. Combien mesures-tu? Allô? Combien mesures-tu? Combien tu mesures, Mégane? Quelle est ta taille? 1m60. Combien tu pèses? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. On peut bander pour toi. Hein. Moi, je bande direct. Moi, t'inquiète, y a pas besoin de préliminaire, je bande direct. Ah ouais, on peut bander pour lui. Ouais. Hein, c'est pas un souci. Sache que ce n'est pas important. Mégane, je crois qu'à mon avis, en fait, il débande pas parce qu'il te trompe ou quoi que ce soit. Hein. Je crois qu'il débande juste parce qu'à mon avis, t'as l'air plutôt bien roulé et que je pense qu'il a peur de pas assurer. Alors, du coup, soit tu éjacules trop vite et parce que t'es un peu précoce, soit effectivement tu débandes. Je crois que c'est plus le stress qui joue là-dessus, hein, je pense. Hein. Ouais, enfin, moi, je pense qu'avec deux doigts, ça peut aller, quoi. Mais ça va pas arranger les choses si tu lui dis que c'est une couille molle et tout, parce que il est quand... enfin il pleure juste hein, quand même. C'est une façon de parler. Mais non, c'est pour rigoler. Oh. Ouais, mais lui voilà. Rigole pas. Mais pour rigoler, mais toi t'aimerais bien jouer comme un peu. Ben oui. Bon, mais les doigts font pas l'affaire alors. Mais oui, mais parce que justement il sait pas si t'es clitoridienne ou vaginale. Vaginale. Bah oui, voilà. Donc, il avait raison alors, Donc Yannis, les doigts dans la caverne. Non mais voilà Yannis, sois moins stressé là, vas-y à la cool. Bébé. Oui. Oui, je t'aime toujours, hein. Oui, mais elle, c'est moins sûr. C'est cool. Ouais. Ah, c'est abusé, franchement. Mais oui, mais bon, mais attends, mais Yannis, tu l'as déjà dit, il y a 3 minutes, elle t'a dit oui, tu lui redemandes, tu lui redis encore. Je vais te foutre une bite dans le cul. Ah, ok. Une bite dans le cul, chérie. Ah, ouais, Yannis. D'accord. Comment t'expliques? J'ai beau lui dire, il fait pas d'effort, alors. Bah, ouais. Ben là, effectivement, je comprends. Ouais. Bon, ben Yannis, votre couple est particulier. Et à mon avis, voué à l'échec. Oui, mais c'est particulier. Bon, ben Yannis, bonne chance. Hein. Je peux faire une dédicace. Mais une seule personne, hein, comme tu connais la règle. Dédicace à Florian, à Quentin. Top, terminé. Une seule personne, c'est parfait. Les cons, c'est bon, big molle, ben. Eh ben, Mégane, je te fais des bisous en tout cas. Hein. Ouais, d'accord. Allez, à bientôt, Mégane. Allez, oui, bah ciao à toi. Bon, et dans un instant, la réponse à la colle du jour avec Margot. T'es toujours là, ma chérie? Ouais. Bon, on fait la colle dans un instant, t'es prête? Ok. Bon, rappelle vite fait, combien de fois peut-on soustraire 6 de 36, c'était bien ça? C'est ça, ouais. Voilà, si vous avez la bonne réponse, pour gagner vos cadeaux, vous envoyez simplement votre réponse maintenant, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 et au 63 22 pour la Belgique. Je vous souhaite évidemment bonne chance, on tire au sort juste après le son de Caroline Marquez avec Sing La La La sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Allez, bonne nuit avec Fun Radio, là, c'est Mickaël, No Limit, on est là jusqu'à 2h. Il y a Nadia qui dit, il est très beau le t-shirt de Toff, hein. Il te scie parfaitement, Toff. On salue la Igbraï qui nous écoute ce soir. Il y a Manon qui dit aussi, Yannis, il est bipolaire ou quoi? Il a l'air un peu particulier, ouais. Et puis Sabrina qui dit aussi, vos sujets de conversation sont marrants. Et Baba qui dit, la meuf, qui dit qu'elle l'aime, mais elle le supporte pas son mec, en fait, parce qu'il bande pas. Et Tony qui dit, Mickaël, concernant les poils au niveau du sexe, c'est important d'entretenir. Donc, faut faire comme moi, j'ai lag. Bonne soirée à toute l'équipe. Merci pour vos messages qui arrivent nombreux et nombreuses à venir, ça je voulais dire, sur Facebook, facebook.com/Mickaël officiel, sur Twitter également, vous tapez Mickaël officiel, et puis je viens de vous mettre une vidéo là à l'instant là sur le Facebook de l'émission, la vidéo du chat le plus dance floor du monde. Ah non, mais comment vous dire que le chat il kiffe le son dance floor? Non mais allez voir, ça vaut la peine. Voilà, c'est une vidéo, c'est très court, c'est un chat qui en mode son dance floor. C'est un concours là. D'ailleurs, les gens nous envoient leur chat sur dance floor. Hein. Exact, ouais. Donc on va faire ça, pourquoi pas. Allez voir facebook.com/Mickaël officiel, donnez-nous votre avis. Est-ce que votre chat aussi est en mode dance floor là? Dites-nous tout ça. Et puis Hugo qui dit, tu es en grève ou quoi? Tous tes tweetos sont là. Allez, continue à faire rire les gens et moi le premier, ça vous va bien. Ben non, t'inquiète pas Hugo, mais il y a tellement de choses à faire et tellement de messages qui arrivent. Il y a Mathilde aussi qui dit, je suis peut-être la seule, mais le t-shirt de Toff, je l'adore. Merci, et Kenny va bien avec Toff. La seule différence, c'est que Toff est immortel comme Dieu, mais qui se fait clasher par des vieux. Tout le monde. Par des vieux tous les jours, à mon avis, je crois qu'il a voulu dire. Mais enfin, soit. Bon, allez, bienvenue si vous arrivez. Et Mickaël No Limit, on est là donc jusqu'à 2h du mat avec encore quelques appels maintenant là qu'on va faire. Hein. Oui, et puis on va toujours un plan à 3 avec ma chérie. Hein. Et ben ouais, exactement, avec Sandro là justement. Il y croit vraiment. Hein. Mais je pensais que je rentrais avec elle moi ce soir. C'est ça. Bon, mais tu vas rentrer, mais bon, tu vas voir où. On va donc appeler maintenant. Donc, alors le concept était simple, hein, on avait vu qu'on a mis une vidéo tout à l'heure sur le Facebook de l'émission, vidéo qui où on voit un couple en train d'essayer de trouver quelqu'un pour faire un plan à trois. On voit que c'est pas toujours facile. Non. Et ça marche parfois. Bah la preuve en est, c'est que ce soir on a essayé d'appeler des gens, mais c'était compliqué. Hein. Oui, je comprends pas. Ouais. Ouais, c'est compliqué pour trouver un plan à trois. Pourtant Sandro est là, mais bon. Bon, on y va. Allez. Allez, c'est parti. On y va. On appelle. Pour l'instant, c'est un échec cuisant. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir. En fait, je t'appelais pour savoir si t'étais dispo pour faire un petit plan à trois ce soir. Mais ça va pas, non ? Vous êtes débile d'appeler à cette heure-ci. Mais pas du tout. Je suis avec Chérie, on est là et on avait envie de faire un petit truc sympa. Attends, je te la passe. Oui, bonsoir. Mais vous êtes complètement débile d'appeler à des heures comme ça alors qu'il y a des enfants. Oh, genre, on pourrait le savoir, c'est quel rapport avec les enfants. Tu l'as entendu le mec derrière, connard. Ah, j'ai pas entendu le connard, merde. Bah, bon, bah attends. Le film, tu me déranges. Hein. Ouais, en plus, ouais. Bon, on rappelle. On va appeler la police maintenant. Oui, mais ça sert à rien d'appeler la police. Nous, on veut juste faire un petit truc sympa ensemble. Alors, on a votre numéro, on les joint tout de suite. Bah, ça sert à rien. Nous, on veut juste un peu de plaisir. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec la police tous les temps oui, là ils ont... On appelle la police. Et ils ont autre chose à foutre les flics là, sans déconner là, sérieusement, c'est un truc de ouf. Bon, attends, il y a justement quand on parlait des trucs à trois, il y a Thibaut qui est avec nous là, encore un Girondin, mais et les autres émetteurs sont en panne ou comment ça se passe? On est premiers sur Bordeaux. Ah bah là, apparemment hein. Bon, Thibaut, sois le bienvenu, comment ça va? Ça va vous? Bah tranquillement, on va parler de plan 3 dans un instant. Bah ouais. Bon bah très bien, t'as déjà pratiqué? Ouais. T'as des conseils à donner? Ouais, quelques-uns. Bah vas-y, fais péter, on t'écoute alors. Mais il faut... Déjà, il faut que la fille soit motivée, quoi. Oui, ça c'est une certitude, hein. Ça, il faut que les deux soient motivés pour le faire, hein, parce que s'il y en a des deux qui y va et que ça fait chier, ça marchera pas, hein, ça c'est clair. Et après, il faut que ça soit dans une bonne ambiance, quoi. Aussi, mais comment ça s'est passé, toi, la première fois que tu l'as fait, là? T'as... C'est elle qui t'a demandé, c'est toi T'as dû essayer la... T'as dû un peu insister ou pas? Non, c'est elle qui m'a demandé, moi. Ah fort! Oh putain, t'as de la chance, oh, t'as gardé le numéro? Ah, j'ai plus son numéro, je suis plus avec. Merde! Ah oh, putain! T'aurais pu partager! Ah ouais, putain, c'est con sinon, ça! Sinon, ça aurait été avec grand plaisir, mais bon. Mais attends, Thibaut, mais quand t'as une meuf comme ça, pourquoi tu l'as lâchée? T'es con quoi? Bah, c'est elle qui est partie en fait. Ah ouais, bah là, tu pouvais rien faire. C'est avec le mec du plan 3. Bah ouais. Non, même pas, tu vois. Ah, même pas? Ah, je pensais pourtant. Attends, on a aussi Catherine avec nous là, de Seine-et-Marne. Salut Catherine! Catherine? Allô? Ah, elle est là, Catherine. On va parler plan 3 aussi dans un instant avec toi, Catherine. Oui. Oui, mais c'est pas grave, ne sois pas gênée. Coupe ta radio, Catherine, déjà, tu nous entendras beaucoup mieux là. Catherine, bouge pas de là, on parle de plan 3 dans un instant avec toi. On va aussi faire le jeu avec le gamin là qui connaît tous les. Le gosse là qui connaît tous les. Toutes les capitales du monde. On va faire un jeu ensemble, donc si vous voulez jouer avec nous, 01 42 48 5000, on va prendre Lola aussi dans un instant. T'es là, Lola? Ouais, on est là. Ouais, tout le monde est là. Bah, je t'appelle Lola, mais j'en ai plusieurs. C'est cool pour le même prix. On va parler avec vous dans un instant, les filles. Bien. Vous restez là? Ouais, ça marche, nickel. Voilà, et apparemment, ils couchent plus ensemble avec leur mec. Tout ça, c'est compliqué. On aura pire aussi par rapport aux orages. Bref, on a encore des trucs à faire, rassurez-vous. Et on a aussi le son de Showtech. Dans un instant, je vous le cale sur Fun Radio, la Showtech avec Booyah. Et Polo s'est engagé à essayer de refaire aussi le son de Showtech dans un instant. En version troublée. Pipo, ça arrive. Un truc à dire. Mika-L, appelez Mika-L. No limit. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. No limit. Mika-L. Tu veux me prendre ta gueule ou on attend? Mika-L, no limit. No limit. Sur Fun Radio. Exactement, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Oh ouais, ça va, attends, c'est la galère totale là. Je t'ai paumé. Bon, on est de retour sur Fun Radio là, c'est parti, plus de pub. Maintenant on est à la cool, on est en pleine nuit jusqu'à 2h du mat. Ouais. Minuit 43, venez parler avec nous si vous souhaitez délirer, on est là, prenez le contrôle, 01 42 48 5000, on est là jusqu'à 2h du mat avec le retour dans un instant de Pierre pour parler des orages, de Lola aussi, avec son mec et elle couche plus ensemble depuis plusieurs semaines là. Mm-hmm. On aura aussi le jeu avec les capitales et Maxime qui veut jouer, Thibaut et Catherine pour parler des plans à 3. Et puis la vidéo du chat le plus dance floor du monde à aller voir sur le Facebook de l'émission, là, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, n'hésitez pas, donnez votre avis aussi. Est-ce que vous avez aussi le chat le plus dance floor du monde chez vous? Si vous l'avez pas, bah allez voir maintenant facebook.com/MIKL officiel. Ouais, il est rock'n'roll, enfin il est pas rock'n'roll, au contraire, il est plutôt en mode dance floor. Non, j'allais dire rock'n'roll dans l'esprit quoi, c'est mais. L'expression, ouais. Voilà, c'est l'expression, ouais. Bon, bah il y a Sarah aussi qui a envoyé un message. Plan à 3, ça peut être avec deux filles, un avec. Bah bien sûr, on en parle dans un instant après le nouveau son de Showtex, c'est Booyah sur Fun Radio. Ah, comment vous expliquer qu'il est juste kiffant le nouveau Showtex là avec Booyah. D'ailleurs, si vous voulez, je suis pas à l'abri de le remettre avant 2h. D'ailleurs, si vous voulez aussi l'écouter, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, vous le demandez. D'ailleurs, on est en top tweet là ce soir, ça fait plaisir. Ouais. Ça. Merci à vous en tout cas d'avoir été là, alors que je ne vous ai rien demandé, ça fait plaisir. Ouais. Non, c'est bien, ça prouve que vous êtes nombreux à réagir, et c'est d'autant plus kiffant. Voilà, donc si vous voulez réécouter le son de Showtex tout à l'heure, là, hein, on vous le remet peut-être avant 2h du mat, là, il suffit simplement de venir nous le demander, là. N'hésitez pas, hashtag et Mickaël, il n'y a aucun problème. Il y a Petit Panda qui dit bonne nuit les chouchous, et je suis pas en forme ce soir, gros bisous, je vous aime. Mais Petit Panda, tu viens toujours dimanche ou pas? Pas la petite panda là, parce que tu nous as pas prévenu au final là. S'il fait ça au pipo, j'appelle Dieu. Ah bah écoute, on va essayer, hein, on va essayer. Geoffrey qui dit on peut vous appeler depuis la Guadeloupe. Oui bien sûr Geoffrey, avec plaisir, n'hésite pas. Je crois que tu dois juste faire le 00331 42 48 5000, mais tu peux. Et Saber qui dit mon chat fait que dormir et manger, il a pas du tout le mode dance floor. Ah ouais, mais c'est une grosse paillasse en fait, hein, tout simplement. Et il y a Antoine aussi qui dit le t-shirt de Toff lui va particulièrement bien. Un Kenny sur un entre guillemets un niqué du cerveau. Je vous merci. Ouais, c'est vrai. Ça ouais. Fait plaisir. Bah oui. Non, mais il a tellement raison, quoi. Il a tellement raison. Bon, le chat en dance floor dont on vient de parler, qui est sur le Facebook, à aller voir. Et puis le t-shirt dégueulasse de Toff, à aller voir également sur le Facebook. D'ailleurs, attendez, je vise le t-shirt. Ouais. Un si beau t-shirt. Attends, je reprends. Non, mais je reprends ma pelle, là. Voilà. On va l'enterrer. Ouais, il vaut mieux, ouais. Voilà. Voilà. C'est parfait, très bien. Je pense un peu, ça peut être pas mal. Quoique, il manque un truc. Non, tu trouves pas qu'il manque un truc? Un polo? Attends, je reprends ma pelle. Attends. Ouais. Voilà. Dans sa gueule. Là, ça va beaucoup mieux là, non? Non? T'as remarqué que ça sonne creux dans sa tête? Mais tu l'as déformé là! Ah merde! On dirait une espèce de courge. Attends, je tape de l'autre côté. Ah bah c'est encore pire parce que ça monte en haut là comme une espèce bah de... Oui, mais ouais, bah oui mais tu veux que je fasse quoi? Moi j'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai fait, attends. Attends, on va le refaire, on va le retailler. Je le retaille. C'est pas moi qui l'ai fait. Ouais, c'est mieux là. Ça va mieux là, non? Ah bah ouais. Ça va mieux, hein. Ça va mieux. Attends. Hop. C'est pas mal, c'est moi parce qu'on a pas de marteau. Ah si, attends, j'en ai un. On a un marteau, bah, Je regarde dans ma boîte à outils. Vas-y, parce que c'est le côté droit. En fait, je voudrais le mettre un peu plus lisse. Attends. Ouais. C'est parce que je suis dans le détail, là. Non, mais c'est une œuvre. Voilà. Ah, attends. Ah, ouais, là, on sent que t'as fine. Hein. Voilà. Je remets un petit coup, là. Et à droite, là, c'est presque parfait. Là. Ouais. Et puis dimanche on va le poncer. Ouais bah écoute, on va attendre. On va laisser pisser comme ça là, le temps que ça se fasse. Et puis il est vachement mieux, hein. Ah bah ouais. On peut demander à Steph, l'autrice qui est venue là. Il est quand même mieux là depuis qu'on l'a refaçonné. C'est cette gueule de merde. Depuis... Il est nettement mieux comme ça. Hein. Ah. Je te remercie. Eh bah voilà, ça fait plaisir. On va pouvoir conclure ou pas? Ça fait plaisir. Non. Mais Mickaël, peut-être, mais pas. Ah bah oui. C'est ce qu'on appelle une bonne claque dans ta gueule. Voilà. Une pelle. Oui, un coup de pelle, effectivement. Je le remets, mon coup de pelle, ou tu vas te niquer là. Ah bah voilà. Ah bah, mais c'est pas grave, je referai les finitions dimanche. Gabriel qui dit lance-roquette dans les fesses de Toff. Je l'ai pas encore le lance-roquette là, il va arriver là. Il y a Sabrina qui dit j'arrive plus à dormir sans écouter Mickaël No Limit sur Fun tous les soirs. Merci à l'équipe, vous êtes des bêtes. Merci Sabrina d'être là également tous les soirs. Bon, et puis Let's Be Freaks qui vient d'envoyer aussi un message, un bon coup de pelle dans la gueule de Toff, c'est mieux Mickaël. Effectivement, je te remercie. Tu peux mettre aussi un coup de mitraillette à Toff de la part de Mickaël. Bon allez, d'accord, ok. Voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, on est tranquille. Je pense que on va être à la cool pour la soirée là. Je pense, on va être pas mal. On va parler pour vous. Hein. Eh ben non, nous on est à la cool, clairement. Bon, on va terminer maintenant donc avec Thibaut et Catherine. Ouh, coupez votre radio tous les deux. Thibaut, coupe la radio. Oui. Ok, parfait. Bon, Catherine. Combien mesures-tu? Oui. Oh, qu'est-ce que ça a, quel rapport? Aucun. Catherine, combien mesures-tu? C'est le coup sur la tête. Il sait plus où il est. Combien quoi? Combien tu mesures? Ta taille? Ma taille est 36. D'accord, donc ça c'était pour le pantalon. Mais ta taille en centimètres? Centimètres? Tu sais, de ton pied à ta tête. La hauteur? 151. D'accord, 1m51. Combien tu pèses en kilos? 67. Quand même. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Non, pardon, ton tour de poitrine. Je me suis embarrassé. Ça va, ouais. Bon, c'est vrai que c'est... Si 42... Non, ton tour de poitrine, pas 42. Ton tour de poitrine. En fait, je crois que c'est un jeu, tu sais, où tu dois répondre avec la question d'après. Ton tour de poitrine, tu sais le truc avec la lettre que tu mets autour de tes seins? Non, tof. Voilà. Bon, alors, passons aux choses sérieuses. Catherine, t'as déjà essayé, donc, toi, les plans 3, c'est ça? Oui. Alors, t'as essayé ça où? Comment ça s'est passé? Non, je n'ai pas essayé encore. Ah, t'aimerais bien? Ouais, c'est oui, j'aimerais bien. Mais il vient d'où, ce petit accent, dis-moi, Catherine? Caraïbes. Des Caraïbes? Oui. Ah. Où ça, des Caraïbes? C'est peut-être une île où j'ai pas encore été, alors bon. République Dominicaine. Non. Ah si, j'ai déjà été. Dominicaine. Oh là là. Ah, ouais. On me fait les plans à 3 quand tu veux. Non, je vais la prendre pour moi. Voilà, bon, Polo, ouais, prends son billet d'avion pour aller en rêve d'homme. Yo hablo espagnol. Hablo espagnol. Si, un poco. Si, un poquito. Si, pero a mí me gustaría una chica. Oh là, t'emballes pas, oh là là, t'emballes pas, Catherine. Une chica, si. Si. Qu'est-ce-t-elle? Allez, dégage, Paul. Non, j'ai compris. Attends, quoi, dégage? Bah oui. Ouais. Des tu peux lui dire, te quiero. Oh, mi amor. Oh. La galose de la gasoline et Pepito Nicolas Sol. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que je connais tel derrière l'autre. Mais qu'est-ce qu'il est con alors celui-là. Te gusta la gasoline. Ah oh, si. Oh putain, gasolina, il manquait plus que ça. Tiens, attends, j'avais oublié celui-là. Non mais Catherine. Catherine. Que gusto? El hombre y las mujeres. Ah, elle aime les hommes et les femmes. Oh. Et hombres y las mujeres. C'est ça. Bon, allez, dis donc... Moi aussi, je t'aime. Catherine, ouais, mais elle t'aime pas. Catherine, donc toi, tu veux tester un plan A3, c'est ça? Oui. Eh ben, c'est très bien, ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu veux des conseils ou tu veux quoi? Voilà, des conseils. Qu'est-ce que je peux faire pour... Ouais. Parce que mon compagnon, il est d'accord. Bah, écoute, en plus si je peux te conseiller la double peine, c'est pas mal. Oh, tof! Putain! Dans la gueule, c'est tout ce que tu mérites, putain. Oh là là, mais non mais c'est ouf quand même. Bon, Thibaut, qu'est-ce que t'as comme conseil à lui donner, toi, du coup, Catherine? Bah écoute, ben moi je suis nippo. Bah écoute, après moi je sais pas, j'ai commencé ça dans les clubs libertins, donc La Seine-et-Marne, c'est loin de chez toi, alors que c'est plus près de chez nous. Ouais. Ouais. Bah écoute, moi je peux venir dans le Seine-et-Marne. Non, je voudrais bien une femme. Ah, il faut une femme. Il faut... Bah Sandro, en plus elle a un air un peu dominicaine là, comme ouais, ça, non? Bah pour ressembler à tout, mexicaine. Si c'est possible de lui parler après. Non. Oui, si, ça, y a pas de problème, Thibaut, ça, sans problème. On peut échanger nos numéros, puis limite à la dominicaine, pas brésilienne. Quoi, Catherine? Dominicaine, pas brésilienne. Oui, c'est ce que j'ai dit dominicaine. Ah bon. Ouais, t'inquiète pas. Mais bah du coup, écoute, on va essayer de trouver quelqu'un. Donc tu cherches une fille en Seine-et-Marne, c'est ça? Oui. Bon, on va essayer de trouver. Si vous êtes une fille, vous avez envie d'essayer un plan A3 avec Catherine, qui est dominicaine, justement. Et ton mari, il est quoi? Il est dominicain? Il est français? Il est quoi? Il est espagnol. Ah, il est espagnol. Espagnol et dominicaine. D'accord, ok. Bon, bah, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Vous nous envoyez votre message maintenant. Vous appelez Sandro, 01 42 48 5000. On va te garder sur le côté, Catherine. On te reprend si on a du neuf. D'accord? Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Gros bisous, Catherine. Gros bisous. Thibaut, encore un truc à ajouter? Ouais, si c'est possible d'avoir un petit back fun et puis. Bah oui, écoute, pas de problème, on va gérer ça dans un instant, sans problème. Et puis de mettre un petit coup de l'enflammateur, si c'est possible. Dans sa gueule. On est enflammé derrière. Voilà, on lui met dans le cul, tiens, voilà, ça y est, c'est fait. Et un coup de pelle dans la tronche. Voilà. Un petit coup de pelle, allez. Et bah comme ça, il a tout. Il faut le terminer à la dévisseuse. Mais oui. Je vais y réfléchir. Et puis un coup de disqueuse pour terminer le tout. Bah je vais aller au bricot et puis je vais voir ce que j'ai à disposition là pour la disqueuse là, mais je vais gérer. À côté, il voudrait lui mettre un coup de bazooka lui. Un coup de bazooka? Ah bah d'accord, un coup ok, de attends. Dans le derrière, ouais. Je lui mets, tiens. Ah ben voilà. Ah, ça y est, j'ai les fesses dilatées. Comme ça il est bien. Mon pote a dit qu'il voulait lui mettre une claque sur les fesses. Ah bah d'accord, ok, attends, il se met à quatre pattes là. Voilà. Il a eu tout là. Il a. Bon allez Thibaut, et salut ton pote et à bientôt, hein, revenez quand vous voulez sur Fun. Ok, y a pas de souci. Hey, ça... Une petite dédicace. Vas-y. Bon alors déjà, je fais une grosse dédicace à mon pote Thomas du 33. Pour connaître s'il écoute une radio, une dédicace à Brice le Gallic et à Mika de Saint-Médard. Très bien, mais pas de problème. Passe une bonne soirée, bonne nuit Thibaut, à bientôt sur Fun. Merci. Allez, ciao. Dans un instant, on va se faire le jeu avec les capitales. Là, il y a Maxime, Andrea et Alexis. Vous êtes déjà là tous les trois? Ouais. Parfait, il y a Orlando aussi qui est là. Vous êtes à tous les quatre? Ouais. Parfait, ne bougez pas. Et Margot, je t'ai pas oublié, hein, mais on a plus de place dans le standard. Hein, donc pour appeler le gagnant là, pour la colle, on fait ça dans un instant, Margot, d'accord? Juste après, okay, le son d'Axwell. T'as aimé le son de Showtech? Non, moi je préfère Slowdown. Tu préfères Slowdown? C'est parce que c'est ouais. Le nouveau. Moi je préfère le Bouya, hein, t'es sûr? Ouais, ça tu vas voir quand tu l'auras entendu plusieurs fois. Va savoir. Ah non, mais depuis le temps que tu le passes, je la connais. Hein. Bah non, mais Bouya, la première fois que je le mets ce soir. Oh non, c'est la première fois. Ah si, en tout cas on l'a mis le soir. Après il est déjà passé dans Party Fun évidemment plein de fois. Bon, en tout cas si vous voulez qu'on vous le repasse le showtech avec Bouya avant 2h du mat, vous nous dites hein, hashtag et Mickaël. Et puis bah, vous mettez ça sur le Twitter, je compte sur vous. On revient dans un instant sur Fun Radio. Et puis on va se faire le son de Axwell maintenant sur Fun Radio, Center of the Universe. Et puis juste après il y aura la version Pipo de showtech aussi, bougez pas. Axwell aussi à l'instant, là, Center of the Universe. Et puis plein de messages qui sont arrivés là. Mon chat il est pas dancefloor, mais peut-être que si tu lui mets un coup de pelle. Bah écoute, moi je suis pas contre hein, dans l'idée. Hein. Écoute, approche le chat là du haut-parleur. Voilà, approche encore un petit peu plus. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. À voir maintenant si ça va devenir un chat dance floor. Ah, on verra bien. Mathieu aussi qui dit je connais votre émission depuis hier et j'adore, merci pour la bonne humeur à cette heure-ci et bonne nuit. Merci Mathieu, sois le bienvenu. N'oublie pas d'ailleurs de prévenir tes potes, hein, on est là tous les soirs sur Fun de 23h à 2h du mat du lundi au jeudi et également le dimanche, mais là c'est entre 20h et minuit. Plein de messages aussi qui sont arrivés par rapport au showtech. Avec Bouya, Mathias qui dit repasser Bouya de Showtech, elle est terrible. Bise à toute l'équipe, vous gérez. Un coup de bazooka dans la gueule de Toff. Je vais le mettre dans un instant, Matt. Geoffrey qui dit je veux bien remettre le son de Showtech. Jonathan, j'aime trop la nouvelle de Showtech. Faut la repasser Showtech, c'est Mickaël. Il y a Benjamin qui dit pareil. DJ Kylian qui dit oh, vas-y, remets aussi. Gian, pareil. Julien, pareil pour remettre le son de Showtech. Eh bon, on va se le remettre alors, le son de Showtech. Pas de problème, avec plaisir. Bon, Axel, dis-moi hein, si ton chat il est devenu. Il est passé en mode dance floor là ce soir, n'hésite pas. Surtout. Et puis je vous rappelle qu'il y a la vidéo du chat le plus dance floor du monde qui est donc à regarder maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Tiens, Polo, t'arrives à faire finalement là la chanson? Attends, la rythmique en deux. Bon, t'es prêt? C'est un son en la classique. Bon, tu nous l'as fait en version pipo? Ouais. Alors attention, 3, 4. C'est identique. Oh là là. Quel talent. Quel talent, quel talent. Merci, merci. Et alors c'est marrant parce que c'est la nièce de Steph, l'autrice, c'est ça, c'est ta nièce qui est en train de regarder Polo en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce mongol? Comment tu t'appelles la nièce? Attends, allez, comment tu t'appelles? Déborah. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de Polo? C'est un con? Ouais. Et attention, parce que si déjà Polo est un con, qu'est-ce que tu penses de Toff? Non, parlons pas, c'est pire. Est-ce que je lui remets un coup de pelle dans sa gueule? Ouais, ouais. Ouais, attends, je lui remets un coup de pelle dans sa gueule. Voilà. Est-ce que je lui mets un coup de mitraillette dans la gueule aussi? Ouais, il vaut mieux, ouais. Voilà. Et un coup de lance-flamme aussi ou... Ouais, ah bon, on y va. Faire, fais le tour, quoi. Voilà. Comme... Il est mieux comme ça, non? Ouais, ouais, il est mieux, il est mieux. Bon, il y a Paul aussi qui dit, tu peux me faire une dédie à tous ceux qui vont au lycée Saint-Marc en seconde et à mes potes également, Lilian, Jacouille, Maxence, Vilton, qui écoutent sûrement Thomas Cucu, Romain Riri et les Lule, les quoi, les Lule Dollar. Oh là, c'est pas facile ça. Hein. Bah voilà, le message est passé. Freddy qui dit, je vous écoute depuis hier, c'est trop bien, quel talent au pipeau quand même. Ah bah merci Freddy, hein, Apollo est content et sois le bienvenu aussi sur Fun Radio, là, tous les soirs, on est là. Bon, alors, attention, Margot, je t'avais promis, on va faire le jeu des le jeu de la colle maintenant. Attention, ouais. Margot, tu es prête? Je suis prête. Oh, qu'elle est douce. Ah oui. Ah non, j'ai une voix de canard. Ah, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Bon, Margot, oui. On y va. Combien de fois peut-on soustraire 6 de 36, c'est ça? C'est ça. Allez, on appelle maintenant un gagnant ou une gagnante. On va voir si il ou elle décroche la bonne réponse. Il ou elle gagne. Si c'est s'il ne décroche pas, c'est toi qui gagne. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Maxime. Salut Maxime. Bon, il y a Margot. Salut. Qui a une question à te poser, t'es en direct sur Fun. D'accord, je l'attends. Margot. Combien de fois peut-on soustraire 6 de 36? Ah bah la réponse mince, c'est on peut le soustraire qu'une fois, parce que mince, une fois qu'elle soustrait 6 de 36, bah ça fait plus de 30, c'est plus la question. Ouais. Et bah voilà. Bravo. Ouais. Je suis plus parce que j'en veux que... Le petit chouchou là il gagne. Ouais mais c'est vrai. Mais tu sais quoi Margot? C'est mon petit chouchou Margot. Bah, Polo il va te payer un pack de sa poche, un pack Fun de sa poche et puis on va t'en envoyer un aussi, mais assez frais. C'est trop gentil. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, bon. Je peux passer une petite dédicace? Allez, c'est. Vas-y, mais une seule personne, hein, tu connais le principe Margot. Hein. Eh ben je fais une grosse dédicace à mon partout qui m'écoute. Très bien. Je l'aime très fort. Eh ben le message est passé Margot. Ben Fab, tu restes au standard aussi, on va te filer ça, d'accord? Merde, c'est pas Fab. Comment je t'appelle encore, j'ai oublié. C'est Maxime. Moi, Maxime, excuse-moi. Maxime, on va te filer ça, y a pas de problème aussi. Bouge pas de là, passez une bonne soirée, bonne nuit tous les deux, à bientôt. Bonne merci, bonne soirée, au revoir. Salut à vous deux, bye bye. Bon, dans un instant, retour avec Lola. Et avant de faire le jeu avec les capitales, avec Maxime, Andrea, Alexis, Orlando, il y a Pierre avec ses orages là. Allô Pierre. Oui, Pierre. Bon, toi, tu nous avais appelé parce que tu voulais parler d'orage, mais alors c'est-à-dire? Bah, en fait, voilà. Je suis un chasseur d'orage, en fait. Chasseur d'orage, alors c'est-à-dire? Parce que je connais les chasseurs de serpents. Il sort sa carabine et puis il va quand il y a un orage et il tire dedans. Non, pas du tout, non. Non, mais c'est quoi le chasseur d'orage? Bah, en fait, chasseur d'orage, comment t'expliquer ça? Bah, en fait, il y a une grosse partie d'analyse météo. Ouais. Et puis ensuite, on part sur le terrain avec nos appareils photo, nos caméscopes, et en fait, on ramène le plus gros éclair dans la boîte, en fait. D'accord. Moi, je vais te dire un truc. Tu trouves ça drôle alors qu'il y en a qui meurent, la maison brûle à cause de ça? Bah... Non, c'est une dédicace en fait à un espèce d'idiot qui genre, un jour j'avais fait aussi une photo d'un orage, elle était super bien et tout, je l'ai mise sur le Facebook tout fier et puis il y a un trou du cul qui m'a sorti. Ouais, tu trouves ça drôle de mettre des photos comme ça alors qu'il y en a, ils ont un orage qui tombe sur leur maison, tout brûle et ils ont tout perdu, bah bravo. Oui. Je me suis dit mais attends, il est complètement con. Ouais. Dans ce cas-là, tu fais plus rien. Non mais c'est ça, donc c'était une petite vanne par rapport à ce mec. Tu utilises même plus de pelle? Oui, exactement. Exposer la tête à Toff. Exactement, ouais, exactement, et je n'utiliserai plus cette pelle. Oh, juste une fois encore. Allez. Ah. Merde, on l'a mal entendu. Voilà. Bon, voilà. Et donc du coup, mais c'est quoi ton trip en fait? Donc dès qu'il y a un orage, t'es content et tu cours après. Voilà, c'est ça en gros, c'est ça. Mais comme sur Discovery là? Bon, comme dans Twister plutôt, je sais pas si tu connais ou... Non. Mais Twister, c'était il court après les tornades. Ouais, c'est ouais, chasseur de tornades. Ah oui, c'est vrai, chasseur de tornades, sauf que lui il est mort hein, pour le coup. Hein. Ouais, mais bon, sauf que là, on n'a pas de tornade en France, donc, enfin, bah encore, ça commence à venir, mais... Ah, attends, et moi, je pensais que t'étais un vrai, moi, je pensais que t'étais un blindé, t'allais aux États-Unis chercher les vrais orages. Ben, j'aimerais. Bah oui, j'imagine, ouais. Non, parce qu'en France, t'es pas gâté, quand même, hein, en termes d'orages, c'est pas non plus la folie, quoi. Non, enfin, cette année, non, c'était, enfin, ça a pu faire niveau orage, mais j'attends, ouais, les tornades et tout ça, donc, ouais. Ah bah, et donc ton kiff, c'est ça. Bon, écoute, pourquoi pas, hein, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu voulais juste comme ça parler de ta passion? Oui, enfin, oui et non, parce qu'en fait, bon, sur mon Facebook, en fait, si tu veux, j'ai des potes qui veulent faire pareil, mais bon, sauf que ils sont en vélo ou en scooter, donc... Vélo ou à scooter pour chasser un orage. Ouais, c'est assez chaud, quoi, donc voilà. Eh hey Roger, on y va, là, je suis à 17 km/h, je suis à fond de balle. Oh putain, c'est quoi ça C'était un scooter. Ah, c'était un scooter, d'accord, ok. Est-ce qu'il veut nous refaire le scooter, là? Non, je peux pas, je peux le faire qu'une fois, parce qu'après, je suis trop mal à la gorge. Prenons l'avis de Déborah, donc la nièce de Steph, l'auditrice qui est venue ce soir. Vu comment elle a soufflé, ça a dit la blasée. Déborah, on t'écoute, parle fort devant le micro. Devant le micro. Oui, bah j'ai même. Il y a rien à dire en fait. Je sais, c'était parfait, merci. Je n'irai pas jusque là, mais bon. Bon, et donc du coup, donc ils ont des vélos, des scooters et ils chassent l'orage. Oui, donc voilà, donc bon, en fait, c'était pour leur bon. Ça fait comprendre quand même que c'est pas comment dire. C'est bon, déjà qu'on risque nos vies sous les orages, donc en vélo ou en scooter, c'est pire quoi, donc. Voilà. Ouais, mais d'accord, mais évidemment c'est pire, mais pourquoi vous faites ça en scooter, je comprends pas. Bah parce que bon, ils ont pas d'autres moyens de locomotion et bon, ils veulent faire pareil que nous en fait, et voilà quoi. D'accord, ok, mais j'ai du mal à imaginer parce que tu sais, moi je regarde souvent effectivement les trucs de tornade là sur Discovery Channel, mais tu sais, je les vois super équipés avec des 4x4 qui doivent faire 15 tonnes, suréquipés avec des radars, des antennes paraboliques sur le toit. Et alors, en fait, je vous imagine vous, alors je me fous pas de vous, mais ça me fait marrer à vélo et scooter quoi, tu vois, en train de chasser l'orage. Avec l'iPhone, tu sais, ouais. Essayer de repérer. Mais du coup, vous chassez avec quoi alors? Enfin, vous chassez avec les scooters, mais je veux dire, vous photographiez avec quoi? Avec des vrais appareils pro ou avec des appareils, des petits réflexes ou des appareils de poche? Moi j'avais un petit réflexe parce que le mien a vendu l'âme il n'y a pas longtemps. Oh merde, qu'est-ce que t'as fait? Il a pris la foudre. Non, il n'a pas pris la foudre, il a pris la flotte et la veille, donc il n'a pas trop aimé en fait. Ouais, forcément. Ah merde, c'est ah ouais. Les risques hein, quand tu suis un orage. Bah ouais, il y a Clara qui dit chasseur d'orage, moi je suis goûteuse de confiture. Merci Clara pour cette comparaison. Et Let's Be Freaks qui dit mais quel mytho le mec, ça existe pas chasseur d'orage. Ah bah si, Let's Be Freaks, quand on dit chasseur d'orage, on chasse pas l'orage pour qu'il parte. Hein. Bah oui. On chasse l'orage pour faire des photos. Il veut, je peux l'emmener. Hein. Moi je croyais qu'il soufflait derrière pour qu'il aille plus loin. Ouais, c'est ça, c'est. Méchant orage, et casse-toi. Va-t'en, méchant orage. Mais oui, et il y a Mathilde qui dit aussi oh my god, l'imitation du scooter m'a achevé, tu peux le refaire. Maintenant il peut pas là, Mathilde. C'est tough quoi. Tu es sûr que tu peux pas le refaire, hein? Si, je peux essayer, mais c'est juste que ça me défonce la gorge quoi. Alors attention, mesdames et messieurs, stop. Préparez-vous. Stop. Roulement de tambour, non? Roulement voilà. De tambour. Est-ce... ou j'ai peut-être un petit peu mieux encore, hein. Vous êtes prêts? On y va. Enfin, quand il veut, hein. La machine, quand tu veux, hein, ma chérie. Voilà. Il est censé se passer un truc ou j'y vais? Bah, il est censé se passer un truc, ouais. Chauffe ta gorge. Un petit problème avec l'iPad là qui vient d'arriver. Attends, il y a un message du Messie de la vanne qui dit mon Dieu, c'était quoi ce scout? Toff m'a littéralement tué, je vais avoir des abdos si ça continue. Ah bah ouais, comme quoi tout peut arriver, hein. Tout peut arriver en effet. Bon, bah du coup ça marche plus, hein, c'est dommage. Oh. Bah ouais, j'avais mon petit son. Je pensais que t'allais me lancer, que t'allais me faire un truc de star et tout. Bon bah ouais, mais j'avais un truc de star, bah tant pis, on va rester sur le roulement de tambour là. C'est parti, attention. Ladies and gentlemen, le scooter version Toff. Je sais pas comment arrêter. Le scooter. Mais... quelle horreur. Et moi j'ai la gueule en face quoi. Oh putain, on a essayé de l'achever toute la soirée, ça marche pas cette connerie quand même. Hein. Bah oui, mais c'est ça, mais c'est une horreur, c'est une horreur. C'est pas possible. C'est une horreur. Tout ce que tu mérites, c'est un truc de fou ça. Bon Pierre, oui. Vos scooters là, ils ressemblent à ça ou pas? Enfin moi j'ai une voiture perso donc Ah d'accord, ok, donc toi t'es le plus riche ouais, de la bande t'es quoi. T'es le beau gosse de la bande. Ouais. Non, non, mais d'accord, j'ai compris. Il y a Benjamin qui dit son Toff et son imitation du scooter, la mort de rire. Et Raphaël qui dit salut Mickaël, tu peux mettre un coup de lance-flamme à un pote qui s'appelle Duncan, s'il te plaît. Au fait, je vous adore, bande de cons. Bah, merci. Attends, justement, tiens, hop là. Dans sa gueule, à ton pote là. Tiens, Duncan, là, voilà, hop là. Tu l'as aussi bien pris dans la tronche là. Bon, bah, du coup, Pierre, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi alors en plus là Si tu me permets, je voudrais pousser un coup de gueule en fait. Bah, vas-y, fais ton café comme chez toi. Alors, contre ces journalistes qui emploient le terme de mini-tornade, je sais pas si vous avez entendu ça. On a déjà entendu mini-tornade, oui, mais oui. Bah, en fait, comment dire attends, je suis en train de chercher mes mots, là, parce que... Mais cherche-les, vas-y, on a le temps, t'inquiète. Prends un dictionnaire, il y en a beaucoup à l'intérieur. Vas-y, vas-y. Non, j'en ai pas. Donc, en fait, ce terme n'existe absolument pas, c'est de la calomnie, en fait, j'ai envie de dire. C'est de la calomnie. Vous êtes des connards. Vous insultez les tornades. Exactement. C'est scandaleux. Et pourquoi, c'est pourquoi? Bah, en fait, on appelle ça en tant que chasseur d'orage des tubas ou des phénomènes. Moi, je prends ça en général quand je vais quand je vais dans la mer, quoi, tu vois, pour faire du snorkeling, la plongée. Éventuellement, oui, mais non. Enfin, on appelle ça des tubas ou des tornades, tout simplement. En d'accord. Fait. Donc, ok, bah, voilà. Écoute, juste, le coup de gueule est passé. Et t'as un Facebook ou quelque chose où on peut voir un peu toutes tes photos là? Ouais, alors c'est Cliché d'Auvergne. Ah putain, ouais, mais ça fait pas très chasseur d'orage ça, Cliché d'Auvergne. Hein. Non, malheureusement. Bah, enfin, change de nom quoi, à la limite. Hein, okay. Bon, moi je te dis ça après, c'est un conseil. Bah, je peux pas, j'ai essayé de changer de nom, mais vu que j'ai atteint le quota de likes. Ah merde! Ah d'accord, ok, putain, c'est la merde, effectivement. Bon, bah voilà, donc Cliché d'Auvergne. Fait, ouais, et en fait, j'aurais voulu savoir si, vu que mon matos est mort, j'en profite aussi, si quelqu'un, par hasard... De financer, quoi. Voilà. Oui. Bah, si vous avez un appareil photo, vous voulez le filer à Pierre, pourquoi pas. Nous, on en a pas pour l'instant, là, sinon ça aurait été avec plaisir. On a mais, des autocollants, si tu veux. Ouais, on a des autocollants, mais... Si tu veux les coller sur la prochaine tornade, idée, ça va pas t'aider, quoi. Bah, non, si quelqu'un... Si quelqu'un veut faire un don à Pierre, bah 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. En tout cas, on te tient au courant. Je pourrais passer une dédicace. Alors en speed, vas-y, vas-y. Alors bah à tous mes contacts de Facebook qui m'écoutent et à tous ceux de ma page, voilà. Très bien, et eh ben merci à toi, bon courage en tout cas pour les orages. Hein. On va revenir dans un instant nous avec le jeu Les Capitales, là comme promis, on aura Lola aussi comme promis. Et puis bah je vous remettrai encore une fois tout à l'heure le son de Showtech comme vous l'avez demandé, ce sera avant 2h. Et Robin Thicke arrive aussi avec Blurred Line sur Fun Radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio. Et allez, 1h15 là, 1h17 pour être précis. Si vous voulez prendre les commandes, prendre le contrôle de Fun, n'hésitez pas, 01 42 48 5000. N'oubliez pas que dans 3 quarts d'heure également, on fait le tirage au sort sur Facebook pour vous offrir votre iPod Nano. Allez, maniez-vous si vous voulez choper votre iPod Nano. Il est là, il suffit simplement d'aller faire un like sur la photo de l'iPod. Et si vous êtes tiré au sort, et ben, je vous l'offre. C'est aussi simple que ça. Il y a Elliot qui dit un petit coup de pelle à mon pote, à mon poteau Chris qui vous écoute tous les soirs. Bon, allez, ok, d'accord. Allez, petit coup de pelle dans ta tronche là, voilà. Voilà, comme ça il l'a pris ici. Hein. Il y a Nadia aussi qui dit très bonne imitation du scooter, Toff, c'était parfait. Merci. Tu vois, merci, finalement merci. Les auditeurs sont contents, d'ailleurs, j'ai envie de dire tant mieux. Je vais devenir imitateur officiel. Ah, t'emballes pas non plus. Hein. J'espère qu'il y a une marque qui va me repérer. Ouais, bah t'emballes pas non plus encore une fois, effectivement. Et puis il y a Momo aussi qui a envoyé un message qui dit tu peux foutre une tornade à mon chien avant d'aller aux toilettes hors demain. Là j'ai pas de tornade là, mais on va essayer de trouver, t'inquiète pas. Allez, bonne soirée sur Fun Radio, il y a la photo aussi, la vidéo pardon du chat le plus dancefloor, allez voir sur facebook.com/Mickaël officiel, on en parle après. Robin Thicke, c'est Blurred Line sur Fun. Allez, bienvenue sur Fun Radio, ça, les Mickaël No Limit avec un message de Laure qui dit Mickaël, tu peux passer une dédicace pour Toff, je l'aime trop, il est sexe et je lui fais 1000 bisous. Et toi Mickaël, si charmant, avec ta voix sensuelle et similaire à celle du doc. Oui, c'est vrai. Effectivement, ce n'est pas sale. Alexandre aussi qui avait envoyé un message qui dit on dirait une chèvre, Toff, quand il a fait le scooter. C'est vrai. Et Clément aussi qui dit bien sûr qu'on veut le boyat Showtech. Ah bon, on va se le mettre, tiens, tout à l'heure là. Et restez bien sur Fun Radio, je vous l'ai calé il y a une demi-heure, mais vous avez kiffé nous aussi, donc on va se le remettre, le son de Bouya. Il y a Mathilde qui dit merci les barres de rire, j'en peux plus. Et Jason qui dit c'était pas une chèvre qui souffrait plutôt là, plutôt que le scooter. Ouais si, je pense qu'il va y avoir un petit peu de ça à mon avis aussi. Banana qui vous êtes tellement con mais c'est drôle. Et alors Clara qui dit les trous dans la maison de mes grands-parents vous confirment qu'il y a eu des orages cette année. Ouais non c'est vrai, il y en a eu effectivement, mais bon. Allez, bienvenue sur Fun, il est 1h22, on est en direct sur Fun Radio, Mickaël, nos limites, c'est jusqu'à 2h du mat. Et puis on va. Alors on a une urgence là apparemment, là, il y a Manon qui est avec nous là. Allô Manon. Oui, allô. Allô Manon, alors qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Manon, t'appelles, t'appelles d'où là? De Ville sous la Ferté. Où ça? J'ai rien compris. De Ville sous la Ferté. D'accord, ok. T'as la radio derrière toi? Ah bah non, non, là où elle est, non. Non, non, mais comme elle répond avec un peu de retard, c'est pour ça. Mais je vois que t'es enfermée dans la salle des fêtes. Oui. Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah en fait, j'étais aux toilettes et mes potes, ils sont sortis et enfin ils ont fermé la clé et du coup, je suis enfermée dans la salle des fêtes. Non. Ça fait combien de temps? Mais oui, depuis combien de temps t'es enfermée là-dedans? Bah là, ça fait bien trois quarts d'heure. Et ils se sont pas rendus compte qu'il manquait quelqu'un? Bah je pense pas, je sais pas. Non mais c'est improbable. Mais donc c'est-à-dire que là t'es dans la salle des fêtes et t'as aucun moyen de sortir? Bah non, c'est pour ça, là, si ma mère elle m'entend, elle va venir. Non bah attends, mais on va essayer de te sortir de là, t'inquiète pas. Pourquoi mais tu l'appelles pas? Même, oui, pourquoi tu l'appelles pas? Bah tout à l'heure elle m'entendait pas, donc Et nous c'est elle répondait pas, ouais d'accord, forcément. Mais par la fenêtre tu peux pas sortir? Bah non, je peux pas, elles sont trop hautes. Oh putain, et la porte elle est évidemment fermée à clé, elle est fermée à clé quoi. Bah mets-toi un peu voilà. De musique. Ouais mais comment tu veux qu'elle fasse? Y'a pas une sono dans la salle des fêtes? Oh super, elle va faire DJ. Mon carré, bon soin, bon soin, bien soin. Vous êtes venus très nombreux. Ouais. L'avantage c'est qu'il y a tellement pas de monde qu'il y aura de l'écho tout seul, hein, ça qui est cool, faudra pas me mettre de machine quoi. Mais alors Manon c'est d'accord, ok. Écoute, si tu veux on essaie de trouver quelqu'un, on peut appeler quelqu'un pour essayer de venir t'ouvrir la porte. Ah bah oui, je peux vous donner un numéro. Bah c'est le numéro de qui? Bah c'est le numéro d'une copine qui devrait pas être loin, tout à l'heure elle me répondait pas, mais peut-être que là elle répondra, je sais pas. Parce que sinon nous on appelle monsieur le maire. Ouais nous on a le numéro, comment il s'appelle encore? Sandro, elle a déjà trouvé le numéro de téléphone du maire. C'est monsieur Noël? Non, on a le numéro de Noël. Non mais quelqu'un va venir m'ouvrir. Bah oui mais justement, si on l'appelle monsieur le maire, on va venir t'ouvrir. Ouais mais pas à cette heure-ci. Bah écoute, ouais, c'est urgence, t'es enfermé là, t'es enfermé dans la salle des fêtes, faut que quelqu'un vienne t'ouvrir. Non, en plus il a une bonne tête, je suis sûr il va venir t'ouvrir. Attends, bah, il est où le numéro là? On l'a pas mis encore le numéro, donc on va le mettre dans le standard. Mais si, regarde en 8, il y a de la place là. Ce que vous avez pas remarqué, mais c'est la mère Noël. C'est la mère Noël? Bah le mère, c'est mère Noël. Ah mère Noël. Ce genre de vanne te coûte un coup de pelle. Oh, voilà. Bon attends, on va essayer d'appeler monsieur le maire. Bonjour, oh, merde. Votre numéro de téléphone est masqué. Pour pouvoir contacter votre correspondant, fuck. Il a bloqué les masqués, on va appeler votre prénom. Ouais. Attends, non mais non, il faut juste prononcer le prénom et ça allait. Tu t'es emballé Sandro. Ah mince, attends, bah prends-le, j'ai appelé là. Prends-le à l'antenne. Ah oui, merde. Merci de prononcer. Sinon, je peux vous donner le numéro d'une fille qui a le. Attends. C'est à vous. Oui, bonjour, Mickaël. Merci de patienter. Nous tentons de joindre votre correspondant. Bon, monsieur le maire, on appelle ça monsieur le maire. Incroyable ça quand même. Bon allez, on va essayer de sortir Manon là, de sa salle des fêtes là. Quelle idée de se faire coincer à 1h25 du mat. Et au pire, je prends un scooter, j'y vais moi. Manon, ah bah ouais. Tu connais Adrien ou pas? Manon? Oui. Tu connais un Adrien? Non. Non. Bonjour, vous êtes sur la maison. Merde. Mais sinon, 03. Je peux vous donner le numéro de quelqu'un qui aurait sûrement les clés. Ouais, bah donne-le toujours. On a toujours l'adjointe, hein. Attends, on a toujours l'adjointe, mais attends, donne pas l'antenne, on va te renvoyer chez Sandro là pour avoir le numéro plus détaillé là. On va faire ça dans un instant et puis on va aussi faire le jeu des capitales. Hey, Lola, excuse-moi, mais là on est pris par le temps avec Manon qui est coincée dans sa salle des fêtes. C'est le bordel. C'est une urgence. C'est une urgence. C'est une urgence totale, même si ton problème en est un également, hein, ton mec qui te fait plus l'amour, bon. Mais ça je peux t'aider personnellement. Bah il faut d'abord, il y a peut-être une raison. Oui, alors Lola, combien mesures-tu? Ouais. On verra ça plus tard. Non, vas-y, on voit ça maintenant. 1m60. Combien pèses-tu? 50. Oui, 95C et 38 de pantalon. 85D. Ah, 85D. Ah oui, D comme Denise. Ouais. Ah oui, c'est... Et la taille du dernier pantalon? 36. Ah oui, c'est encore mieux que tout à l'heure alors. Ah oui, dès comme d'énorme. Ah là là. Mais moi je peux venir immédiatement pour rétablir ce problème. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, Lola, déjà coupe le haut-parleur et prends le téléphone parce qu'on n'entend rien, on dirait qu'on est dans une caverne. Ouais. Voilà, nickel. Mais qu'est-ce qui se passe avec ton mec là? Pourquoi il fait plus l'amour avec toi? Ben si je le savais. Ah mais tu l'as jamais demandé? Bah si, mais bon. C'est qu'est-ce qu'il dit la fatigue. Qu'est-ce qu'il dit enfin, bon, ça va, ça... Qu'est-ce qu'il dit ça va 5 minutes. Mais en même temps, au vu des mensurations. Mais oui. Hey, tu te rends compte de la chance que t'as enfin, lui, est-ce qu'il s'en rend compte de la chance qu'il a? Je sais rien. Peut-être. Ouais. Bon, ça fait 2 ans et demi que t'es avec lui. Et ouais. Ça fait 2 semaines que vous avez pas fait l'amour, c'est ça? Trois semaines. Ouais, au moins. Et, non, tu peux pas rester comme ça. Attends, parce qu'il y a 3 semaines, vous avez fait l'amour, mais avant ça, combien de temps il y a eu un... Ah, bah 3 semaines aussi. Hein, c'est toutes les 3 semaines. Genre une fois par mois, voilà. Ah, bon, c'est mieux que rien, tu me diras. Mais ouais, c'est un peu peu, quoi. C'est un peu peu. Mais ouais. Il doit y avoir une raison, parce que la fatigue, ça va bien. Une semaine, t'es fatigué. Bon, pourquoi pas, tu travailles beaucoup, t'as un truc. Ouais, mais sur le long terme, il fait quoi dans la vie, lui? Il a quel âge? Il a 25 ans, il est routier, chauffeur routier. Ah, chauffeur routier international ou il reste dans le pays? Non, il rentre tous les jours. Ah oui, d'accord, alors... Bon, ça va, attends, c'est pas... Et le matin, il a pas la gaule? Ben si, mais il va se branler. Voilà, tout simplement, c'est pour le stress. Et l'autre, c'est peut-être ça, hein, peut-être qu'il aime bien se branler, du coup, il a plus envie de soir, il est peut-être fatigué pour ça. Hein. Ben, je sais pas. Ou alors, il a une autre, ça c'est possible aussi. Bah non, je pense pas. Bah tu sais pas, peut-être que sur une aire d'autoroute. Voilà, c'est jamais. Mais c'est pas ça. Tu sais, les routiers, non, tout ça. Mais t'inquiète pas, on sera là pour te réconforter, hein, Lola. Hein, surtout, pas de problème. Moi, surtout moi, avec plaisir. Bah oui, évidemment. Il y a Benjamin aussi qui dit Lola de Limoges, Mickaël, Limoges en force. Bah oui, Benjamin, ce sont des choses qui arrivent. Il y a Mathis aussi. Oui, t'as vu. Il y a Mathis aussi qui dit pauvre Manon, elle sera obligée de boire l'eau des chiottes. Oui, bon, on va la récupérer, tiens. Bon, ben Lola, reste avec nous 2 secondes, on va parler avec toi dans un instant. Combien de temps est-ce que vous avez déjà tenu sans faire l'amour avec votre copain ou votre copine? Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi ça s'est passé? Venez nous en parler. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, Manon. Oui. Bon, tu nous t'as donné le numéro à Sandro là? Oui, c'est bon. Bon, bah parfait. Alors, on appelle qui d'abord? On appelle d'abord l'adjointe au maire? Ouais, on appelle Christine. Attends, on va d'abord appeler Christine pour essayer de trouver une solution. Là, le maire, il a pas décroché, il nous a envoyé son répondeur. Pas cool, hein, en cas d'urgence. Bon, ok, il est tard, c'est vrai, mais bon. Ah oui, mais bon, il est là pour aider ses administrés. Bah oui. Il a été élu. Voilà, bon. Par le peuple. Exactement. Pour le peuple, monsieur. Déjà qu'il y a 1000 habitants là où t'habites, Manon. Je pense qu'on va se taper le répondeur aussi. Ouais. Allô? Oui. Oui, alors bonjour. C'est Christine? Ah non. Ah bon? C'est Eric. Ah, et je suis bien chez Christine? Christine, comment? Bah, Christine, l'adjointe au maire. Oui. Ah ouais, parfait. Excusez-moi de vous déranger, c'est Mickaël. Vous êtes en direct sur Fun Radio et on a une auditrice. C'est Manon qui habite dans votre village. Elle est coincée dans la salle des fêtes. Alors, ça peut paraître fou, mais c'est vrai, hein, Manon. Manon? Oui. Donc, elle est coincée dans la salle des fêtes. Manon, est-ce que t'es là? Est-ce que t'es là, Manon? Elle a eu peur. Bon, est-ce que c'est possible du coup de lui ouvrir la porte? On n'est pas sur place actuellement. Est-ce que vous pouvez contacter éventuellement quelqu'un pour aller lui ouvrir? Bah écoutez. Ou un petit SMS quoi, c'est pour pas la laisser coincée dans sa salle des fêtes quoi. Ah c'est la vôtre. Enfin dans votre salle des fêtes. Enfin la salle des fêtes de votre femme j'imagine. Où ça? Ah bah à la Ferté. Oui, c'est ça, dans l'Aube, là, dans 10. Oui, bah écoutez, je vais voir. Bon, bah, je compte sur vous, hein. Oui. Bon, bah, on va la rappeler dans un instant et puis on va voir comment ça va se passer. Bon, bah, merci beaucoup, monsieur, hein, monsieur Christine. Eric, il s'appelle Eric. Ah, Eric, merci Eric. Eric? Allez. Ça va mieux, là? Ah bah non, il est parti. Bon, bah, il est parti aussi. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, on va essayer de récupérer Manon aussi dans un instant. Hein. En attendant, il y a le jeu avec Maxime, Andrea, Alexis, Maria, Orlando. Vous êtes là, tout le monde? Ouais. Au taquet? Ouais. Bon, très bien. On va se faire le jeu des capitales, là, maintenant, là. Alors, jeu que on fait pas d'habitude, mais en fait, c'est un mec, en fait, un gamin de quel âge il a, le gosse? 15 ans, je crois, c'est ça? Non, moins que ça. Ouais, encore. Il est tout jeune, ouais. Ouais, tout jeune. 5 ans, je crois. Ouais. Ah, attends, 5 ans? 5-6 ans. Ouais. Attends, on vérifie quand même, parce que j'ai peur que tu t'emballes un peu. Donc, en gros, il connaît toutes les capitales du monde. C'est un truc de dingue. Non, mais c'est un truc de psycho. Et donc, du coup, ben, on va faire un jeu, hein. Vous êtes 5, là, maintenant, avec nous. On va faire, je vais faire par ordre alphabétique, tout simplement. Je vais donner un pays. Imaginons, je vais te dire États-Unis. Maxime, tu vas me dire. Washington. Pardon, excusez-moi, il a 18 mois. Ah, quoi? Mais non! Ah, te fous de ma gueule. Aya Van Mirkulen, machin, est un enfant surdoué. Âgé de 18 mois, ce garçon connaît les capitales de plus de 60 pays. Non. Il suffit de lui dire un pays pour qu'il retrouve instantanément la capitale. T'as trouvé ça sur je me suis foutu de ta gueule tof.com ou. Mec, il y a une vidéo, la meuf elle lui demande, il donne les réponses. Tiens, vas-y, mets le son. Non, mais d'accord. Attends. Je me suis foutu de ta gueule, tof.com. Alors attends une seconde, je vais mettre un son, bouge pas. Il est où le son? Parce que tu me prends des fourrus là. Attends, bouge pas. C'est lequel ton numéro là d'ordi? Le 3, là c'est le 3. Ah bah it's pas possible. Ah bah c'est pas possible alors. It's pas possible, je crois qu'il faut le mettre là-bas le son, je crois, et c'est pas possible. Bon enfin bref, on mettra le son après, c'est pas un problème, c'est un détail. Bon du coup on va jouer dans un instant. Donc alors Maxime, tu vas effectivement me dire Washington, très bien. Ensuite je poserai une question à Andrea et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un, d'accord? Okay. Bon, et si je peux me permettre, Washington n'est pas la capitale des États-Unis, c'est Washington D.C. car Washington est un État. Ouais, pardon. Ah bah oui, mais c'est une mauvaise réponse. T'aurais été éliminé. Hein. Bon, allez, on fait ça dans un instant. Le temps d'écouter le son de Stromae maintenant sur Fun avec Papa Outé. Ne bougez pas de là, c'est Mickaël No Limit. Il est 1h33 du mat. On est là, on est bien. Et avant 2h, je vous offre votre iPod Nano à gagner sur facebook.com/mickaëlofficiel. Dites-moi d'où il vient. Stromae, à l'instant sur Fun Radio avec Papa Outé. Et puis comme promis avant la fin de l'émission, je vous calerai encore un coup. Le son de Showtek. Je vous l'avais fait péter tout à l'heure, là vous avez bien kiffé, et puis nous aussi d'ailleurs. Et puis bah je vais vous le remettre. Donc restez bien sur Fun Radio, je vous le mets dans un instant sur Fun, allez bougez pas. En attendant, on se fait le jeu maintenant, au jeu des capitales. Vous êtes là Maxime, Andrea, Alexis, Maria, Orlando? Ouais. Très bien, ouais. Alors attention, écoutez bien, c'est votre ordre. Maxime, Andrea, ouais. Alexis, Maria, oui. Orlando, et on recommence, d'accord? Ok. Très bien, donc j'espère que vous avez bien entendu votre ordre. Hein. Celui qui répond évidemment et où il n'a pas à répondre, évidemment, il donnera le point à l'autre, tant pis pour lui. Bon, on y va, donc je vous donne des pays, à vous de me donner la capitale. Ok. Alors, okay. On y va, et donc celui qui perd, évidemment, dégage jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un, puisque apparemment, il y a un bébé de 18 mois qui est surdoué, qui connaît toutes les capitales du monde, ce qui est assez improbable. Bon, on y va, c'est parti, on commence avec toi, Maxime. L'Afghanistan. Kaboul. Bonne réponse. L'Afrique du Sud, Andrea. Johannesburg. Non, c'était un peu long. Non. Hein. Ouais, mais malheureusement, ce n'est pas une... Stade de Banas. Comment tu dis? Ah ouais, mais c'est trop long, malheureusement. Au revoir, Andrea. Au revoir, Andrea. Alors, l'Albanie pour Alexis. Tirana. Tirana, bonne réponse. Algérie pour Maria. Alger, bonne réponse. Orlando, toi, t'as la chance. L'Allemagne. Vite. Berlin. Hop, c'était Berlin, malheureusement, Orlando, trop tard, il faut répondre rapidement, sinon vous ne nous prenez pas pour des débiles, hein, on sait que Google existe, hein, vous inquiétez pas. Au revoir Orlando, question suivante, il en reste plus que 3, Maxime, tu vois, ça va vite ce jeu, hein. Je pensais que ça tiendrait beaucoup plus longtemps. On y va, on continue, donc après l'Allemagne, on était où maintenant? J'ai perdu. Andorre pour Maxime. Andorre, ouais. Andorre la veille. Bonne réponse. Angola pour Alexis. Luanda, bonne réponse. Antigua et Barbuda, c'est une île dans les Caraïbes. Maria. Oh, le truc improbable. Oh, le salut. Je connais, j'ai déjà été, c'est très joli. Maria. Oui, c'est pas du tout. Tu ne sais pas. Eh ben, c'était St. John's, malheureusement. Au revoir Maria, il en reste plus que 2. Maxime et Alexis, ça se joue entre vous là. On y va, attention. Maxime, Arabie Saoudite. Riyad. Bonne réponse. Bravo. Argentine, Alexis. Buenos Aires. Exactement, et avec l'accent et tout, paf, parfait. Oh, quel homme. L'Arménie, Maxime. Non, malheureusement, c'est perdu. C'était Erevan. Et alors pour Alexis. Erevan. Et ouais. Et l'Australie, Alexis. Sydney. Non, Canberra. Non, c'était le dernier. De toute façon, c'est bon. Allez. Ah, je pensais que ça durerait plus longtemps, tiens. Bon ben voilà Maxime, hein, dommage, mais t'as bien joué quand même. Ouais, dommage. T'as bien joué quand même, et dommage de te rester coincé là. Et si je t'avais proposé Brésil par exemple, tu m'aurais dit quoi? Brésilien. Eh ouais, bonne réponse, ah là là là là. Les Bahamas. Non, c'est facile les Bahamas. Nassau, évidemment, ouais. Nassau, les Bahamas, bien entendu. Bon, et attention, la France. Ah, c'est Paris. Dur ça. Ouais, c'est dur, hein. Belgique. Bruxelles. Ah ouais, c'est pas mal. Bon ben voilà, ben c'est bien de m'avoir imprimé les 180 capitales, mais finalement avec une demi-page ça aurait suffi. Hein. Voire moins encore. Hein. Ouais, mais on n'avait pas pensé qu'ils iraient aussi. Enfin que ça. Bah ouais, c'est vrai. Vite, hein. Bon Alexis, c'est gagné. Maxime, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok, ça marche. Salut à vous, à bientôt, ciao, bye okay, bye. Salut. Eh ben voilà, bon ben c'était vite plié. Hein. Je rappelle que Sandro elle m'a fait, ouais, ça va durer archi longtemps, tout le monde a Google. Hein. Ah ouais, bah 30 secondes ça a duré. Bon, Manon, t'es délivré de ta salle des fêtes là ? Oui, c'est bon. Ah bah voilà, la bonne heure, nickel. Sauvé. Bon, c'est quelqu'un qui est venu t'ouvrir ? Oui, bah c'est mes potes qui sont revenus en fait. Ah bah voilà, bah ils ont bien fait. Bon bah nickel. Ils se sont rendu compte qu'il en manquait une. Bah voilà, c'est ça, il était temps. Bon, on a quand même dérangé l'adjointe au maire. Hein. Ah oui, ouais, bah. T'excuseras, tu lui enverras des fleurs. Bah c'est ça. Bon, allez Manon, on passe une bonne soirée, bon week-end du coup. Hein. Salut, salut. Salut. Allez, ciao aux copains et aux copines. Lola, dans un instant, on va la récupérer. Il y a J-Tech aussi qui voulait réagir. Salut, comment on dit J-Tech ? Non, Jaïk. Jaïk ? Ah d'accord, dans le standard, il y a marqué J-A-I-T-C-K, c'est comme ça ? Ah non, c'est J-A-I-C-K. Bon, ah, c'est toi qui as du mal les plaies. Non, c'est Sandro, t'inquiète pas. Bon, Jaïk, bouge pas de là, on va reparler avec toi dans un instant si vous voulez réagir à Lola. On aura également Julien dans un instant aussi. Et puis, on va se faire le son de LOL DJs. C'est ce qui va arriver dans un instant sur Fun, bougez pas. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Connard, essaie de rappeler, je te bute. Mickaël, nos limites, sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio là. Allez hop, vous balancez tous vos messages en direct, évidemment. N'hésitez pas, dernière ligne droite avant d'accueillir JB tout à l'heure à partir de 2h du mat sur Fun Radio. Et puis avant de se faire aussi le générique de fin là, vous êtes nombreux à vouloir chanter avec nous sur le générique de fin. Bon, on aura Enzo déjà tout à l'heure. Il y a Sport Officiel qui dit il est plus bloqué, Mickaël, c'est cool. Bah ouais, clairement. Quentin qui dit vous pouvez faire une dédicace pour toute ma famille et pour vous. Bah c'est fait, Quentin, merci à toi. Et Nina également qui avait envoyé un message qui dit je sais pas comment je ferai pour vous écouter jusqu'à 2h avec les cours qui vont reprendre, on va se débrouiller hein. Mais oui Nina, je suis sûr que tu vas y arriver, t'inquiète pas là. Et puis c'est Erkalan qui avait envoyé un message aussi qui dit déprime à cause d'un connard, merci Fun, vous êtes les meilleurs. Ah oh, bah c'est gentil en tout cas. Bon, en tout cas soyez les bienvenus si vous venez débarquer. Tirage au sort aussi dans un instant là sur le Facebook pour offrir votre iPod Nano. Allez, si vous voulez gagner votre iPod Nano, maintenant à vous de jouer. facebook.com/mickaël officiel. On écoute LOL DJs sur Fun Radio. C'est maintenant, bonne nuit tout le monde. Bonne soirée avec Fun, c'était LOL DJs à l'instant avec Portilla de Bobo. Et puis on va se faire aussi dans un instant encore un coup là le son de Showtech avec Bouya. Et puis un message d'Axel aussi qui dit y'a quoi après les 2h. Attends, c'est quoi ? Après 2h, vous voulez pas continuer jusqu'à 3h hein ? On verra Axel. Mais t'inquiète pas, il y a des soirées où on ira jusqu'à 6, hein, t'inquiète pas, bah, on ira rejoindre le morning. L'Afghan qui dit aussi c'est mon anniversaire aujourd'hui. Eh bah écoute, bah bon anniversaire, hein, j'ai envie de dire musique d'anniversaire. Ouais. Voilà. Voilà, jusqu'au bout, hein. Et c'est le meilleur au bout, t'inquiète pas, va. Ah, c'est toujours le meilleur. C'est toujours le meilleur. Voilà, jusqu'au bout. Il y a Demi Sauf 67 aussi sur le Twitter qui dit rigolez pas, je suis déjà resté coincé dans des toilettes d'un hôpital, moi. Pas doué quand même, hein. Oui, là, pour le coup, effectivement, oui, c'est quand même pas terrible. Et alors, message aussi qui est arrivé, Let's Be Freaks, il dit je me suis foutu de ta gueule, http://tof.com, le fou rire, merci. Bon, on va aller cliquer dessus pour voir ce qui se passe, tiens. Bon, retour avec Lola. Tu es là, Malola? Ouais. Bon, très bien. Malola. Alors, je trouvais que ça allait bien. Et puis, en même temps, 95D. C'est vrai, on n'est jamais mieux servi que ça. Vaut mieux que tu sois propriétaire rapidement. Bon, alors, toi, tu nous avais appelé parce que ton mec te fait plus l'amour, hein, ce qui est quand même assez problématique au final. Hein. Ouais, c'est ouais. Et donc, il y a Jaïk aussi qui est là, qui a 30 ans, qui voulait réagir. Salut Jaïk. Salut. Comment on va ? Comment ça, toute l'équipe ? Bon, nous, on va plutôt bien, là, on est plutôt en forme, là. Plutôt en forme, il y a le tirage au sort aussi, d'ailleurs, hein, je vous le rappelle, là, pour gagner l'iPod Nano, là, ce soir, dans moins de 10 minutes. Allez, dans un peu plus de 10 minutes, plutôt. Si vous voulez tenter votre chance, facebook.com/mickaël officiel. Voilà. Bon, Jaïk, c'est quoi le conseil que t'as donné à Lola, toi ? Bah, déjà, je comprends pas son copain, parce que bon, j'ai pris la radio, là, à 1h, quand je me suis levé, parce que je suis routier aussi. Ah, tu te lèves à 1h du mat ? Oh, quel courage, mec. Et là je suis en route pour aller de l'autre côté de Nancy et quand j'entends ce qu'elle a dit, que son copain il est routier, qu'il rentre tous les jours à la maison et puis qu'il veut plus s'occuper d'elle, je comprends pas trop là. Bah oui, non, c'est vrai. C'est pas le seul, hein. Il doit tremper le biscuit ailleurs. Bah non, pas forcément, mais... Moi j'ai le calendrier là des meufs à poil derrière le camtar et je mastique le manche, mais j'ai pas de copine, j'ai pas le temps, moi je travaille, non, mais... je donne toute ma vie à mon canon. Non, c'est quand même mieux le naturel que de le poireau, quoi. Mais oui, mais ça dépend, mais comme dit Toff, c'est un plaisir différent. Ouais, mais t'as une poupée gonflable dans la boîte à gants ou pas ? Non. Est-ce que t'as le calendrier derrière toi là, non ? Ah non, j'ai pas de ça dans le camion. Ah merde, d'accord, ok. Bon, mais ça se respecte un camtar. Ouais. Exactement, ouais. Ah, là, je suis d'accord, ça, non, c'est clair. Écoute, Lola, il y a un moment, il va falloir que tu lui expliques que toi, ça te suffit pas, quoi. Que si s'il peut pas se satisfaire, nous, on va le faire, quoi. Ah non, mais il est au courant, hein. Non, mais il faut que tu lui expliques, qu'il comprenne bien, parce que qu'il soit fatigué, évidemment, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais qu'il soit fatigué tout le temps. Enfin, tu vois, ouais, c'est pas normal, vous êtes un couple, faites pas l'amour tout, une fois par mois, enfin pas à 20 piges quoi. Ben voilà, c'est ce que je dis. Hein. Bah encore, vous en auriez 40, 50, 60, je comprends. Ah mais je suis d'accord. Hein. Mais à 20 piges, bah donne son numéro, nous on va l'appeler. Ouais. Hein. Non, c'est mort. Bah pourquoi Lola? Non, je veux pas que vous l'appeliez. Attends, mais on est gentleman, et nous, ouais, t'as cru qu'on était des foutures de merde. Non, mais là, toi tu répondras pas, il est en train de décharger là. Mais il décharge quoi? Il est en train de décharger une meuf. Non. Ah et peut-être, hein, on va savoir. Il décharge dedans. Ah écoute Lola, je suis là. Il travaille dans quel domaine? De quoi? Il travaille dans quel domaine en tant que budget? Il roule pour Intermarché. Ah bah tout s'explique. Intermarché. Avec les petites caissières là. Non, c'est plutôt avec les fourgons et puis les chariots à décharger. Ouais, on est d'accord, mais du coup, il peut rencontrer les petites caissières Intermarché, tu vois, non? Mais il roule de nuit, alors, ça m'étonne. Pas trop la nuit. Ouais, bah, et alors chez Intermarché. Ouais, bah, rien, ça n'empêche pas, hein. Même la nuit, il peut se passer des trucs, hein. Non, mais je pense pas, mais bon... Non, mais qu'il soit fatigué, c'est une chose, mais bon, il y a un moment, t'as qu'à commencer à le masser, etc. Enfin, il y a un moment, le mec, il doit quand même avoir la gaule quand tu commences à t'occuper de lui. Enfin, je sais pas, moi. Est-ce que tu lui mets un peu de linge sexy? Oui. Mais genre, c'est quoi? Tu t'as mis quoi la dernière fois? Des portes jartelles. Ouais. Avec un bustier noir. Ouais, ouais, là je. Et avec ça, il là, rien. Je peux rien pour lui, quoi. Non, il a passé l'aspirateur. Quoi? T'es sérieuse? Ouais. Oh, il est gay. Ah ouais, c'est ça. Enfin, ah, mais peut-être, ouais. Quelque part, quoi. Ah bah oui. Attends, c'est-à-dire que le mec, il a une meuf là, 95D en genre jartel, machin, tout le bordel, et l'autre dit « Bon bah chérie, seconde là, pousse-toi, je vais passer l'aspirateur !» Attends, la meuf va déboîter dans toutes les pièces, hein. Mais oui. Ou à la limite, il prend l'aspirateur pour jouer avec, mais pas pour aspirer, quoi. Ben voilà, c'est... Bon, moi je l'arrête, hein. Ouais, mais c'est improbable, surtout... Ben oui. C'est vraiment bizarre. Je reste bouche bée. Tu vois? Ah ouais, il est bouche bée. Moi aussi, mais il n'y a pas que la bouche. Hein. Oh! Pas de petite cochonne. Et moi, je suis là, je suis libre. T'as eu un coup de pelle? Bon, je vais te la mettre dans la gueule de Toff, là, pour être sûr. Hein. C'est, ça va tout de suite mieux. Bah, tu vois, finalement, hein, c'est ça, hein, c'est une solution. Non, mais écoute, oui, je reste bouche bée. Attends, il y a Adrien aussi qui est avec nous, là, 23 ans de Seine-et-Marne. Salut, Adrien. Salut. Comment ça va? Ça va, et vous? Bah, écoute, tranquille, hein, ça va beaucoup mieux que Lola, apparemment. Oui, ça a l'air. Ah, t'as vu, hein. Bon, bah alors, qu'est-ce que t'as comme conseil à Adrien, toi, à lui donner éventuellement? Bah, peut-être un peu plus communiquer. Non, niquer. Ouais, un peu plus niquer, peut-être, mais un peu plus communiquer avec lui pour savoir le vrai du faux, parce que moi, pour ma part, j'ai connu une fille qui avait vécu à peu près la même chose avec son ex, et c'était absolument la raison pour laquelle, c'est qu'elle le trompait, quoi, en fait. Donc c'est pour non, ça non, que non, bah, son mais mec... Non, mais il ne trompe pas. Ah ouais, mais ça, tu sais pas. Faut vraiment que tu sois sûr de ça, parce que c'est peut-être non, blessant. Hein. C'est peut-être blessant à dire, mais lui aussi, il était sûr de ça. Et moi, je peux t'assurer que la fille, elle a trompé, puisqu'elle a trompé avec tous les mecs de la boîte, et moi y compris. Donc, c'est sûr que. Ah oui. Ouais, donc c'est sûr que voilà, la fille, elle a trompé, quoi. D'accord. Ouais. Mais non, mais je vais attendre qu'il rentre dans ce cas-là. Donc, oui. c'est peut-être blessant, je suis vraiment désolé de te dire ça, mais après. Je reste pas comprendre comment un mec pendant un mois il peut rester comme ça sans. Bah ouais, clair. Non, sans rien faire, bah quoi. Non, mais il a peut-être des soucis aussi. Hein. Oui, peut-être que lui, ça peut arriver d'avoir une baisse d'envie. Hein. Bah ouais. Mais elle dit que ça dure quand même depuis plus d'un mois, donc bon, c'est plus une baisse d'envie là. C'est une baisse d'envie. Non, mais il y a. C'est que sexuel ou il a la pêche, il a le sourire et tout hein. Ah non, c'est que sexuel quoi. Sinon, on fait des câlins, des bisous, des trucs. Lui-même, il se pose la question. Mais il comprend pas lui aussi ou Ben, pas trop non plus quoi. Ah donc vous en parlez quand même? Oui, franchement, faut qu'il demande à un médecin. Sinon, tu attends, mais est-ce qu'il est. Tu scotches le non, mais il ira jamais chez un médecin. Non, mais est-ce qu'il est précoce ou qu'il a un problème? C'est genre, il t'y a pas longtemps ou je sais pas, non? Parce que ça peut venir de là, c'est si quelqu'un, effectivement, si le mec il est un peu précoce, il va peut-être avoir tendance à pas avoir envie de le faire parce qu'il sait que ça va être l'échec, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais, non mais au bout de 2 ans et demi quand même. Ouais, bah je sais, mais voilà. Bon après, écoute, c'est bizarre. J'avoue que c'est spé. J'avoue que c'est spé. Mais bah écoute, on va te filer à Lovin Fun. Ouais, voilà, c'est on ça. On va tourner les sujets. Voilà, ouais, ça pourquoi pas. Mais je crois qu'effectivement, t'auras peut-être plus de chance là-bas. Mais en tout cas, merci, Jaïk et Adrien. Il y a pas de problème. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Bougez pas de là. Et puis, passez une bonne soirée, un bon week-end à l'écoute de Fun. Et puis, Lola, excuse-moi, je te repasse Sandro, mais on va te filer un numéro. Tu vas voir, tu vas avoir un conseil lundi. Ok, et je peux avoir un pack fun ou pas? Oui, pas de problème Lola, bon, avec plein de capotes dedans, tu vas voir, ça va être la fête. Ouais, à une seule personne, tu connais le principe, vas-y. Ouais, bah je suis une petite dédicace à ma meilleure amie qui est avec moi alors. Oh, c'est mignon. Oh, voilà. On lui fait une dédicace au gland de ton mec? Non, ça? Non. Non. Non, ça va. Attends, à ton gland de mec plutôt, c'est ce que je voulais dire. Bon, bah, bonne soirée Lola, merci bien, et embrasse ta copine. Salut, allez, salut. Bisous. Ciao, bye bye. Allez, restez sur Fun Radio. On va se faire dans un instant la fin avec le générique de fin. Yes, sir, we care about it, ouais. Party, keeping them good vibes. Et Showtech maintenant, c'est Booyah sur Fun Radio. Et puis l'iPod Nano aussi, tirage au sort dans moins de 5 minutes. Facebook.com/MIKL officiel. Allez. Et voilà pour la deuxième fois ce soir le son de Showtech avec Booyah. Une chose est sûre, il est énorme. Merci à vous de l'avoir demandé, là on l'a remis encore une fois. 23h, 2h. Fuck Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. Yes, on est en direct sur Fun Radio là et puis dernière ligne droite avec Julien de Marseille. Salut Julien. Ouais, ça va? Comment? Bah ça va bien et toi? Ça va, merci. Bon, bah comment va le Marseillais ce soir? Ça va, tranquille. Bon, bah tant mieux, j'ai envie de te dire. Alors, parfait. Bon, alors, comme tu as pu le remarquer, nous sommes un peu en retard. Oui, effectivement. Donc, ça ne te dérange pas, on te reprend dimanche, Marseille. Ah. Julien, pardon, tu voulais parler de quoi, toi? Ben non, parce que j'avais un problème avec la mère d'un ami à moi, en fait. Ça fait plus d'un an que je suis avec et j'ose pas le dire à mon pote, en fait. Ah, ben on est plus à 3 jours, quoi. Très bien. Eh ben écoute, ça va être du très très lourd, on en parlera dimanche soir si ça te dérange pas Julien, d'accord? Ça va, merci. Bon, on fait ça, mais ce sera entre 20h et minuit. Bah vas-y si tu veux, ouais, vas-y, il y a une personne. Non, tu peux le faire à plusieurs, toi, vas-y. Enzo et Lucien qui m'écoutent et voilà. Très bien, eh ben le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut à toi. Salut Julien, et désolé encore. Bon, on va faire le gagnant aussi, là, celui qui a tout simplement liké sur le Facebook de l'émission, là, facebook.com/MIKL officiel. Allez, c'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond correctement. Allô. Allô, bonjour. Oui, salut. Salut, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, là. Je t'appelle pour l'iPod Nano, là. T'as fait un like? Ouais, j'ai liké la photo, ouais. Ouais, bah c'est gagné. Ouais. Super, merci beaucoup, Mickaël. Voilà, l'iPod Nano, tu veux de quelle couleur? Je veux noir, Sia. Je ne sais pas, Sia noir, tiens. Maintenant, je t'ai mis dans la merde. Bah écoute, on verra. C'est sous réserve. Ok, ça marche. Sous réserve. S'il y a noir, je te le mets, y a pas de problème. Ok, c'est charmé. Eh ben, je t'en prie. Passe une bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, tout ce que tu veux. Merci beaucoup, bon week-end à vous. Merci, salut, salut, ciao à toi, bye bye. Eh ben, merci en tout cas d'avoir été nombreux et nombreuses là ce soir. Il y a New Era is Coming qui dit bon, allez, moi je vais au taf avec Mickaël dans les oreilles. Enjoy et à dimanche, la team, merci pour cette semaine. Mais merci à vous, surtout Ryan aussi qui dit cette émission est juste géniale, je me sens chez moi dans cette émission. Ben, c'est un peu le but aussi, hein. Vous êtes chez vous, vous venez quand vous voulez, y a pas de problème. De préférence pendant les 3 heures. Jour à passer sans vous, comment laisser des drogués sans leur dose. Je vous adore, gros bisous à toute l'équipe, vous êtes miratrice. C'est Théouta qui a envoyé le message. Il y avait Roby aussi qui dit à force de vous écouter avec vos conneries, je me suis fait flasher. Ah merde! Ah bah, ouais, bah prends un coyote, qu'est-ce que je te dise, Roby? Oui, ça va faire mal au portefeuille. Thomas aussi qui dit un petit coup de chalumeau là pour un canarien qui vous écoute très souvent vous déchirer. Évidemment, un coup de chalumeau dans la gueule de Toff, c'est un lance-flamme, pas un chalumeau. Hein. Et je vais l'achever, tiens. Dans ta gueule de voilà. Merde. Et attends, un coup de pelle dans la gueule. Ouais. Ah, et à droite, voilà. à droite. Attends. Ah, c'est bien. Là, voilà. C'est bien. Là, on l'a bien refait. Et pour le finir. Voilà, c'est tout ce qui méritait de toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà, je défends la cause féminine, c'est pour toutes les femmes dont il s'est foutu de sa gueule. Et ben voilà, je suis un petit peu votre justicier. Ouais. Exactement. Oh. Bon, ben passez une bonne nuit tout le monde. Un rencard dimanche à partir de 20h sur Fun Radio. Ciao. Prenez le contrôle. Facebook, Mickaël officiel. Sur Fun Radio. Eh ben, on n'allait pas non plus vous laisser seul et abandonné, hein, puisqu'il y a notre ami JB qui est en pleine forme. J'espère que j'ai ma musique. Ah bah évidemment que ta musique, ça tombe sous sens. C'est notre musique. C'est notre musique, c'est notre générique. Et on veut bien te la prêter. Mais voilà, tu peux l'utiliser en tant que générique de fin pour ton émission, de début, pardon, puisque c'est notre générique de fin, donc forcément. Et on a même d'ailleurs Enzo qui est là et Kevin qui voulait la chanter avec nous, tiens. Ah, vous êtes là les gars? Ouais. Bon, vous êtes prêts pour chanter le générique? Bien sûr. Carrément. Vous allez pas me le foirer, hein? Mais non. Bon, je compte sur vous. Alors attention, j'enlève la musique de l'émission, là, tac, je l'arrête. Alors attention, vous êtes prêts? Vous connaissez les paroles? Ouais. 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu te toi l'enculé. T'es un enculé, t'as tout ton nom, t'es vraiment personne qui t'enculé comme toi. Bon, attends, Kevin, je l'ai arrêté. Et quand tu veux, Kevin, pour chanter, hein. Enzo. Je sais pas, ça fait bizarre là. Ça fait bizarre de quoi? Ça lui fait des palpitations dans le cou. Ah, mais c'est parce que t'as la radio derrière toi? Non. Ah bah, c'est bizarre. Bah chante, parce qu'on t'entend pas. Bah oui, c'est ça, chante plus fort. Bon, on recommence. Voilà, tu suis Enzo à la limite, c'est parti. Je suis avec vous. 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu veux plus dormir, faut bien manger. Quand t'inculte ton nom toute la journée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est mauvais. C'est normal. Vous m'avez tué la chanson. Bon, attention, j'espère que pour la finale, vous allez pas me la rater, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais que voulez-vous? Il y a Enzo et Kevin qui m'ont tué la chanson. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Allez, on y va, attention, pour la finale, c'est pas compliqué. Attention, je compte sur vous. Toi l'enculé. Attention, on y va. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. J'aime tellement ça te faire enculer. Et toi ton enfant un enculé. On est des enculés. Juste ma bite. Ah oui, merde, j'ai oublié. Juste ma bite. Eh ben voilà, elle était bonne. Bon, vous me l'avez un peu défoncé, mais enfin bon, allez, c'est pas grave. Désolé, hein. Bon, JB, tire pas la gueule qu'on a détruit la chanson là. Vivement lundi qu'on la remette. Ouais, ben dimanche soir. Bon, toi tu seras pas là, mais dimanche soir on sera là aussi, évidemment. Bon, Enzo et Kevin, merci à vous deux d'être passés en tout cas. Vous revenez quand vous voulez, les gars. Et merci pour la chanson. Je peux avoir un pack. Tu vas gérer ça, je te repasse. Sandro, c'est déjà barré, je te repasse la gère. Merci. Salut à vous deux, bye bye. On va prendre vos coordonnées dans un instant. Ouais. Bon, ben, passez une bonne nuit tout le monde, bon week-end également. N'oubliez pas demain matin, Bruno dans la radio, dès 6h au taquet. Et puis nous c'est parti. Et puis JB là c'est parti aussi. C'est quoi le... C'est... Ah merde, excuse-moi, attends, il y a Steph qui est en train de me faire des signes. On dirait qu'elle va faire atterrir à 747. Steph, l'auditrice qui était passée nous voir là. Je veux juste vous remercier de nous avoir reçus. Mais écoute, avec grand plaisir. T'as vu, j'ai même oublié de te dire au revoir parce que tu faisais partie de l'équipe, donc du coup j'ai pas fait gaffe. Quand tu veux, hein. Bah écoute, ouais, mais d'habitude je tape les autres, alors c'est pour ça que j'ai pas fait gaffe. Et merci à Déborah également, Tanias qui est passée. Merci Déborah. Salut Débo. Elle parle plus près de Miron. Salut. Non, elle ose pas. Vas-y, je me bague de bouffe non plus. Non, pas de violence, voyons. Attention. Bon, allez, passez un bon week-end en tout cas. On revient nous dimanche à partir de 20h au taquet. Et puis, c'est quoi du coup ton premier titre? Calvin Harris, d'accord, merci, ok. J'y vais. Bah, à limite, moi, je me remettrais bien le Showtek en fait au final à la place du Calvin Harris. Ah, enfin, je suis tu d'accord. Peux mettre Calvin Harris après si tu veux, hein, mais ouais. Bon, allez. Donc, Pascal, si tu m'écoutes, c'est lui qui a changé la prod, pas moi. C'est moi. Allez, c'est moi, c'est top. Bon week-end tout le monde. Oui, c'est top. D'ailleurs, regarde. Voilà, tu apprends ta gueule. Voilà, c'est dégueulasse. Exactement. Allez, bon week-end tout le monde. Rencard dimanche, 20h. Ciao. This all we care about is some party, keeping them good vibes in the air.